22h13, c'est Marion et Anso et toute l'équipe du Night Show. Là, ça y est, on a repris. On kiffe nos soirées avec vous, c'est cool. Hashtag le Night Show si vous avez des questions, des trucs à nous dire. On vous lit, Amir est là et il vous répond au maximum. N'est-ce pas, Bichon? Ben, je réponds à tout le monde même. Tout le monde, t'emballe pas quand même parce que non, tu vas te faire insulter. Non, je peux pas répondre à tout le monde. Mais par contre, je parle avec beaucoup de monde en MP. Mais ouais. C'est bien, Amir. Merci beaucoup. Et puis, ben, là, la question du soir, c'était c'est quoi votre programme télé de l'été? Bon, toi, je sais ce que c'est parce qu'on a le même, hein, Baba. Oui, l'amour est dans le pré. Ouais. Alors. J'ai quand même un petit bémol. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que cette saison est hyper décevante. Bon, on rappelle le principe, vous connaissez tous, hein, c'est sur M6. Ce sont des agriculteurs qui recherchent l'amour. Ouais. Et très sincèrement, je trouve que là, il n'y a pas de personnalité très forte. Je trouve qu'il n'y a pas d'émotion. J'ai pas l'alarme, quoi, quand je regarde encore. Moi, je suis pas d'accord avec toi, mais comme ils découpent les épisodes en plusieurs épisodes, il y a plusieurs agriculteurs qui sont découpés en fait, ils passent pas tous les mêmes soirs. Oui. Bah il y en a qui sont plus forts que d'autres. Bah voilà. Et donc celui de lundi effectivement était peut-être un petit peu faible, j'en conviens. Les No Life qui ont déjà vu l'épisode de lundi en replay quoi. Ouais, c'est ça. Et avec Marion, on avait un autre programme de ouf et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ce même programme. C'était Fort Boyard. En plus, on remercie Bruno de l'équipe de Bruno dans la radio qui nous a fait une super dédicace. Ouais, ils sont passés avec Elliot, c'était énorme. Ils faisaient le est-ce qu'on est content d'être là tous les quarts d'heure, je pense. Ouais, non, mais toutes les 10 minutes même. Ouais, et franchement, ils ont géré tout. Donc cool. Et on va pas se mentir, avec Anso, on aimerait bien faire ce programme. Ah voilà. Oui. Donc, c'est un petit kiff. Donc si le producteur de Fort Boyard nous écoute, appelle-nous 01 42 48 5000. Bon, venez nous dire quel programme vous avez kiffé vous. Et puis je vous en parlais il y a quelques minutes. On a trouvé des programmes, mais de malades partout dans le monde. Ratez pas ce moment, vous allez halluciner comme nous. On revient tout de suite sur Fun Radio. Accrochez-vous. Oui, dans la radio. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le 24 août. Ça veut dire que dans 5 jours, c'est le retour de Bruno dans la radio. Vacher, qu'est-ce que tu as prévu? Alors Bruno, moi je vais m'occuper de vous faire des cours de gym à la rentrée. On va commencer tout de suite, on fléchit, et on se relève, et on fléchit, et on se relève. Et on est essoufflé. Laisse tomber en fait. Je vais vomir. Bruno dans la radio revient pour une nouvelle saison. Encore plus dingue. Ça y est, je suis prêt. Rendez-vous lundi matin dès 6h sur Fun Radio. Salut, c'est Greg. Je vous passe tous vos tubes et toutes vos stars préférées sur Fun Radio. Et vous savez quoi? La vraie star de l'été, c'est Sam. Oui, Sam, celui qui conduit, donc celui qui ne boit pas. Avec Sam, vous êtes sûr de rentrer de soirée en toute sécurité. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. De 22h à minuit, Night Show. Marion et Anso sont de retour pour la saison 2 du Night Show sur Fun Radio. Et on parle télé ce soir. C'est quoi votre programme de l'été, celui que vous arrêtez pas de mater? En plus, il y a des nouveautés là. Nouvelle télé-réalité, tout ça. Appelez-nous 01 42 48 5000 et dans un instant, on va jouer ensemble. Et il y a Marie Détempes qui est avec nous. Bonsoir à toi, Marie. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Ça va Marie? Oui. Ouh chérie, je viens de voir sur l'ordinateur que c'était ton anniversaire. Oui. Ah bah ça mérite une chanson ça. Ah bah en plus on est bien connu comme étant l'équipe qui chante la mieux. Hein? Allez, pour toi Marie, 3, 4. Joyeux anniversaire. Voilà, ça suffit. C'est horrible. Ouais, bon anniversaire chérie, t'as quel âge? Merci, 16 ans. 16 ans, d'accord. T'es encore en vacances? Oui. Ok, t'es où? Sur Carcassonne. D'accord, et tu regardes quoi alors à la télé en ce moment? Moi je regarde le Starmix sur B17. Qu'est-ce que c'est? Starmix. C'est quoi ça? Eh bien c'est des clips. Voilà, ah, c'est des clips. Ah ouais, ouais. Mais ça passe toujours bien ça, les clips, quand t'as pas trop de concentration pour la télé, tu peux faire plein de trucs en même temps et tout, moi j'aime bien. Mais genre tu regardes assidûment Marie ou tu fais d'autres trucs à côté? Bah, je fais d'autres trucs à côté quand même parce que voilà quoi. Et qu'est-ce que tu fais de la couture? Non. Elle fait des devoirs de vacances. Non. Tu fais quoi? Non, je traîne sur mon. Sur les réseaux sociaux quoi. D'accord, ok chérie. Et tu veux avoir quoi là pour ton anniversaire? Je sais pas, mes parents ils veulent pas me dire. Ah, j'ai cru, mes parents veulent pas m'acheter de cadeaux. Moi aussi, je me suis dit c'est très gênant. Et bah, tu sais quoi? Nous on va t'envoyer un pack Fun Radio avec plein d'amour dedans. Merci. On t'embrasse Marie. Bisous. Bisous à toi. Bisous. L'équipe, on se fait le vrai faux du soir sur les jeux télé? Ouais, parfait. Alors, si je vous dis Sexbox, une émission de télé dans laquelle des couples ont des rapports sexuels dans une boîte présente sur le plateau. Oui, c'est vrai. Non. Oui. Exactement. Si, et une fois l'acte terminé, ils doivent débriefer à chaud leur performance. Oui, et je crois qu'il y a un sexologue qui est avec eux et qui les aide. Exactement. Ouais. Alors, je sais pas quoi en penser. Je trouve ça glauque et à la fois, je pense que je regarderai. Oui, mais à la fois, tu les vois pas, hein. Ils sont dans une boîte noire, tu les vois pas en train de faire l'amour. C'est glauque de les imaginer quand même, tu vois. Ouais, mais il y a un côté voyeur qui est sympa. Ouais. Vrai ou faux, l'île de la détention, une émission où l'on envoie des prisonniers sur une île afin de trouver l'amour. Mais non. Bah, ça pourrait exister. Ouais. Non, c'est faux, évidemment. Non. Chante si tu peux, une émission japonaise où les candidats doivent réussir à chanter en se faisant masturber par une jolie demoiselle. Bah oui. Et bah ouais, ça existe. Mais alors ça, par contre, ça me choque parce que eux, les Japonais, ils vont toujours trop loin, sans déconner. C'est hallucinant. Donc je vous fais le tableau. Il y a des Japonais qui sont en train de chanter, ils se font masturber et ils doivent pas se laisser déconcentrer, ils doivent continuer à chanter. C'est horrible. Bah, c'est-à-dire que sur la télé japonaise, je pense qu'ils ont pas de CSA là-bas, il n'y a pas trop de contrôle. Bah, et donc du coup, j'étais tombée un jour sur une émission avec un pote. Je sais pas où je vais là, mais je crois que je me confie beaucoup trop, mais bon, c'est pas grave. En fait, en gros, c'est des nanas qui étaient qui devaient passer dans des tunnels. Ouais. Il y avait des trous. Ouais. Et leur mec. Non. Leur mec avait mis leur sexe dans les trous. Mais non. Et il fallait qu'elle leur fasse une fellation. Et qu'elle reconnaisse leur mec. C'était leur mec ou pas. Donc elle passe dans des tunnels. Et il y avait plein de tubs. Mais c'est pas possible. Et on voyait tout. Et on voyait absolument tout. Ah ouais. Non mais c'est-à-dire que là-bas, il y a absolument. Il y a pas de contrôle. Ouais. Et c'est hyper pornographique leur jeu là-bas. Mais c'est pas possible. C'est une sexualité quand même très. D'accord. Et ben merci parce que je l'avais pas celle-là, tu vois. Zizi Island, une émission où 12 hommes doivent essayer de survivre sur une île déserte totalement nue avec leur bite et leur couteau. Non. Non, évidemment non. First Kiss, une émission où un homme et une femme qui ne se connaissent pas doivent s'embrasser sans un mot pour décider s'ils veulent aller plus loin ou pas. Ouais. Oui, ça existe. Oui. Je trouve ça assez sympa à regarder ça aussi. Moi aussi, j'aime bien. Ça peut me chauffer. Aventure Warrior, une émission où il faut survivre pendant 40 jours et 40 nuits en milieu hostile sur le sourcil gauche d'Amir. Je non. vous emmerde. Non, évidemment, ça n'existe pas. Évidemment, ça n'existe pas. Il y a Camille à Saint-Laurent-du-Mont qui est avec nous. Bonsoir à toi, Camille. Salut, Mario Enzo. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. C'est avec qui, Camille? Avec une copine qui s'appelle Winona. Winona, d'accord, c'est joli, ça vient d'où ça? On était déjà passé pendant l'émission de Kinvé. Pendant l'émission de Kinvé, Winona. Écoute, je me rappelle pas comme ça, mais si, ouais, je crois qu'on avait parlé de Winona Ryder et tout. Ouais. Ah ouais, peut-être. Oui. Ok, et eh ben bienvenue à vous les filles, vous avez regardé quoi cet été? Ninja Warrior. Ah ouais, j'ai regardé aussi un peu sur TF1. Moi aussi, je crois que j'ai regardé l'une des premières émissions. D'ailleurs, on a un fidèle auditeur de Fun Radio qui a participé. Et ben moi, ça m'a un peu déçu. Je te un cache peu, pas. Moi aussi. Moi, je m'attendais à des trucs plus ouf et surtout à des vrais Yamakasi et tout. Là, je trouve qu'il y avait des gens, je comprenais pas ce qu'ils foutaient là-bas, quoi. Non, puis surtout, c'était toujours un peu le même parcours. Alors. Ouais, c'est ça. Et l'animation et tout, non, j'étais pas très emballée. Ça t'a plu, toi, Camille? Ouais, ça va. Ok, bah écoute, c'est le principal, j'ai envie de te dire. T'as suivi l'émission tout l'été, toi? Non, j'ai pas vu la finale ni la nuit. Ah. Bon. Mais... parce que j'étais chez ma sœur. Ah, mais en revanche, t'étais toujours avec Winona, rassure-nous. Tout le temps, non, parce que je préparais mes cartons pour déménager. Ah, la tuile. Eh ben, écoutez les filles, on vous souhaite un bon déménagement alors. D'accord, merci. Et tu rappelles quand tu veux, d'accord? Ouais, avec plaisir. Bisous les chéries, on vous embrasse. Bisous. Bisous. Bisous Amir. Il y a Pierre à Paris aussi qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Ça va Pierre? Oui, et vous? Ouais, t'as 12 piges toi. Ouais. Alors t'as regardé quoi à la télé? Moi j'ai pas mal regardé les JO. Ah bah ouais, forcément. Ouais, moi aussi j'aime bien regarder les JO, j'ai supporté les Français, Teddy Riner, tout ça. Alors moi je me suis complètement surprise à être complètement happée par les JO. Bah, c'est-à-dire que le soir de la finale du 100 mètres avec Usain Bolt, là, la diffusion était à 3h30 du mat pour nous. J'ai attendu jusqu'à 3h30 du mat pour voir la finale qui dure quand même que 10 secondes. Ouais, je faisais ça beaucoup aussi moi. Pour toutes les finales des Français, je regardais. Franchement, c'était chambé. Il faut attendre le lendemain. Bah non, c'est non. Passé, c'est pas la même émotion. Ah. Même, il y avait la finale des mecs à l'épée, là, à l'escrime. C'était chambé, c'était vraiment cool. Ah, l'escrime, par contre, j'ai bien kiffé, je trouve. Franchement, ils nous ont fait kiffer. Si vous avez gagné une médaille au JO, appelez-nous. Ouais, 42 48 5000. On en parle ensemble. Possible, hein. Mon Pierre, ouais, tu supportais quoi comme sport, toi, particulièrement? Un peu de tout, mais j'ai surtout aimé la finale avec Teddy Riner. Ouais, il est fort. Ouais, mais alors, tu vois, la demi-finale, autant était cool. La finale, bon, bah. C'est pas passé grand chose, tu vois. Ouais, mais bon, une finale. Ouais, mais bon, il a gagné, c'est clair, mais c'est pas passé grand chose. J'étais un peu déçue. Ouais, voilà, jamais contente, ça. Ah là, excusez-moi, je me sens comme une journaliste sportive, quoi. Merci de nous avoir appelé, mon Pierre. On t'embrasse. Mais y a pas de quoi. Allez, bisous. Ciao. Bisous, bisous. Est-ce qu'on demande à Pépère s'il a eu un programme favori cet été ou pas? C'est sûr. Bah, vas-y. Pépère, lui, il a pas trop regardé la télé cet été, et il attend samedi, hein. Pourquoi? Il y a quoi samedi? Bah, samedi, c'est le retour des The Voice Kids. Comme ça, je pourrais me boire un bon lit, hein. D'accord. Du mal à parler, Pépère, non? Mais non, mais c'est les enfants, il fait cet effet. D'accord, ok. Il est grave. N'empêche que The Voice Kid, j'adore aussi. Moi aussi, en plus, il y a un nouveau jury cette année. Matt Pokora. Ouais. C'est Matt Pokora et Jennifer. Le Corse aussi. Patrick Fiori. Ouais. Patrick Fiori. Franchement, ça va être lourd. Je serai devant ma télé certainement samedi soir. Eh bien, écoute, moi aussi. Faisons ça, Marion. On s'organise ça. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est un tout nouveau jeu qui va débarquer. C'est le Wesh C'est Qui. Oui. Alors, si vous voulez participer, bah, vous nous appelez dès maintenant, 01 42 48 5000. Le principe est simple, faire deviner à vos parents, papa ou maman, des stars qu'on vous aura données en amont. Donc, restez avec nous. On va jouer ensemble dans un instant, juste après Galantis. C'est No Money sur Fun Radio. Je kiffe. Radio, c'est Marion et Enzo ensemble jusqu'à minuit. Et ça, c'est DJ Snake Talk, le nouveau pote d'Enzo. À chaque fois que je le tweet, il me répond jamais. Over. Allez. Alors, Snake. Snake, je sais que tu écoutes souvent Fun Radio, donc si tu entends ce message, elle est très fan de toi. Elle a acheté ton album de manière légale. Je l'ai acheté 3 fois en plus. Voilà. Donc vas-y, un petit tweet, ça fera plaisir. Tu lui dis wesh ma beurre, comment ça va, t'as vu? T'as eu. Et donc t'es Snake parle comme ça. Hein. Ouais, mais c'était pour lancer le wesh c'est qui arrive maintenant. Ha, ah, bien vu. Wesh, c'est qui? Ouais, c'est qui? C'est le tout nouveau jeu du Night Show. On est hyper content de jouer avec vous ce soir. Le principe est très simple, je vous explique. Vous allez devoir faire deviner au moins 4 stars à papa ou maman en 1 minute. Une minute. Voilà. Ce qui est pas facile avec le stress et tout ça. Hein. Non, ouais, bah surtout non. Que bah, papa ou maman connaissent pas toutes les stars parce que c'est des stars actuelles. 2.0 quoi. Après, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez pour décrire la star. Exactement. Et surtout, on vous donne une liste de 6 noms. Donc si jamais maman trouve pas, on passe. Exactement. Vous allez pouvoir gagner votre PS4 avec le jeu No Man's Sky en plus. Ça, c'est un beau cadeau. Ouais. Et c'est Priscilla qui joue avec nous ce soir de la queue en brie. Et rien que pour ça, Priscilla, je t'aime. Salut chérie. Salut, salut tout le monde, salut les filles. Salut. Comment ça va? Super. T'es en vacances encore toi ou pas? Non, moi je suis rentrée, moi je suis partie au mois de juillet. Une juilletiste. Bah ouais. Il y a toujours deux clans comme ça. Hein. T'étais où? Je suis partie vers Perpignan. D'accord, ok. Bon, et la reprise, ça a été? Mais je travaille pas. Ah, ça va. Mais tu cherches un boulot? Ouais. Ah bah profite-en, dis-nous dans quoi tu cherches. En crèche. D'accord, okay. D'accord. Tu veux t'occuper des enfants, quoi. Ah, mais c'est pas la pub CAP Petite Enfance qu'on voit à la télé, là. Alors là... Ouais. Ok. Est-ce que t'as fait ces études-là, Priscilla? Non, mais des fois, il y a des pubs qui passent... Devenez... Oui, mais c'est secrétaire médical. Ah, oui. Ouais, non, c'était pas pour moi, ça. Bon, ma belle, tu veux jouer avec qui? Ta mère ou ton père, ce soir? Avec ma mère. D'accord. Maman, est-ce qu'elle est plutôt calée sur les stars d'aujourd'hui ou c'est moyen? Non, ça va. Ça va parce qu'en plus, j'ai un petit frère qui a 10 ans, donc normalement, elle devrait quand même s'en sortir. Alors, je précise quand même à tous les auditeurs qui doivent se poser la question. Maman est déjà en ligne, mais les standardistes l'occupent pour qu'elle n'entende rien de la liste qu'on va lui donner. Bah oui, sinon c'est trop facile. Sinon c'est trop facile. Et puis, bah pareil, si on l'appelait au dernier moment, maman, elle écouterait la radio. Donc voilà, il y aurait tricherie. Voilà, on a pensé à tout. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que tu as un petit crayon pour noter les stars? Oui. Alors, on commence par Mathieu Delormeau. Ouais. Antoine Griezmann, le footballeur. Ça risque d'être dur, ça. Justin Bieber. Ouais. Slimane. Gagnant de The Voice. Ouais. Teddy Riner. Ouais. Et David Guetta. Ok. Donc tu en as 6, il faut qu'elle en trouve 4. Ok. Ok. On accueille tout de suite Isabelle qui est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir les filles. Bon, alors Isabelle, vous nous confirmez que vous n'avez rien entendu des stars à découvrir? Non, j'ai rien entendu. Bon, et ben écoutez, on a donné 6 stars à Priscilla. Oui. C'est à elle de vous faire deviner. Allez, c'est parti. Ouais, maman, ouais, c'est qui? Un joueur de basket, très grand, noir. Non. Ah, t'entends ou pas? C'est pas le basket, hein, c'est pas le basket. Passe, Priscilla, passe. Ouais, c'est qui? The Voice, le dernier gagnant. Slimane. Ouais. Oui, le vieux mec là, tu sais que j'aime pas même. Tout jeune là. Lequel? Blond, il est blond. Ouais, je sais qui. Attends. Ouais, blond, jeune. Il fait quoi dans la vie? Il est con même, je l'aime pas. Et puis il fait quoi dans la vie? Il chante, c'est un chanteur. Ah bon? C'est vrai que t'aimes pas, c'est Justin Bieber. Oui, oui. Un joueur de foot même, je l'aime bien. Le beau gosse là. Ouais, c'est qui? Oh là là là là. Il est beau, il est blond, il est. Alors, je vous cache pas qu'on avait testé, on a testé le jeu depuis plusieurs jours dans le bureau, on s'amuse à ça. Et c'est vrai qu'on y arrive en 20 secondes, mais avec le stress. Oh ouais. Mais alors là, Priscilla, en fait, je pense que t'as paniqué complètement. Oui. Parce que t'as pas été au plus simple, tu vois. Déjà, non. Teddy Riner, il est pas du tout basketteur. Non. Mais, en fait, non. Il fait du judo, médaille d'or. Mais oui, c'est vrai. Et puis voilà, Antoine Griezmann, il fallait dire, il est petit, c'est lui qui a marqué le plus de buts pendant l'Euro, tu vois, des trucs comme ça. Parce que là, maman, elle peut pas deviner juste en lui disant, il est footballeur. Hein? Voilà, bon. C'est dur. Bon, Isabelle, oui. C'est pas votre faute. Voilà. Je vous l'accorde. Mais malheureusement, il y a eu que 2 bonnes réponses. Donc, c'est perdu. Hein. On est désolé. Ça me fait toujours mal au cœur, moi. Qu'est-ce qu'on peut pas leur offrir un truc, attends, un panier garni? Alors. Je propose comme c'est la première. Non, mais c'est la première. Non. Non, je veux pas l'offrir comme ça. Mais. Quoi? Pourquoi vous me faites tous des signes? Je sais pas, on t'écoute. Non. Lui donner une dernière chance de faire découvrir une star. En 10 secondes. Une star en 10 secondes, allez, les gars. 10 secondes. Et Marion et Enzo, on est d'accord. Mais oui, c'est la première. Priscilla, tu continues ta liste et tu essayes de faire deviner une star à maman, mais en 10 secondes. En 10 secondes? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, top. Okay. Allez. Ouais, c'est qui? Un blond sur Énergie 12. Un grand. Mathieu Delormea. Oui. Eh, quand même, elle a réussi, non? Bah ouais, elle a réussi. Eh, c'est la première, les gars, on est gentils. Ouais. Attends, bon, c'est la première, après c'est la dernière. C'est bientôt les vacances. Et on est bientôt en avril. Mais ouais, mais elle était trop cool, Priscilla, on est d'accord. Bah oui, mais c'était elle adorable. La panique, elle s'est gagnée. Bravo. Bravo chérie, c'était pas facile, mais ouais, tu t'en es sortie. Ok. Ok. Faut juste que tu nous envoies une petite photo avec ton cadeau quand tu l'auras à la maison, ça nous fera. Y a pas de soucis, ça sera même mon fils qui va faire la photo, il sera trop content. Oh, Priscilla, on t'embrasse très très fort. Et Isabelle, est-ce que vous êtes fière de votre fille? Oui, très fière. Bon, et eh ben Isabelle, tu fais partie des beurs aussi, puis on n'en parle plus. On vous embrasse toutes les deux, bisous. Ok, bisous. Bonne bise. On va rejouer ensemble tout à l'heure dans l'émission avec ce nouveau jeu aussi qui a débarqué depuis la rentrée, c'est le Pokélost. Oui. Ce moment où vous faites croire à papa et maman que vous êtes perdus en jouant à Pokémon. Le mieux, c'est de se perdre dans tout ce qui est cave et endroit glauque. C'est bien plus rigolo. En tout cas, on fait de la libre antenne ensemble là, toute la soirée jusqu'à minuit. 01 42 48 5000. Et pour le son, tout de suite, c'est Major Lazer. Boom sur Fun Radio. Bah, lui aussi, il pourrait me tweeter. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' that. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home, we pass it. Rider, break a cup. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a girl is, I'm in stand to forever. Le Pourquoi tu m'appelles va débarquer dans quelques minutes dans le Night Show. On va aussi parler cul avec vous tous, là, 01 42 48 5000. Le sujet de ce soir, je vous le dis pas maintenant, mais ça concerne la masturbation. Voilà, on a trouvé une info complètement improbable avec Anso, donc on en parlera tout à l'heure. Et là, le dossier du soir, c'est les trucs de crevard. J'ai vu ça passer en fait cet été sur Topito, je les suis souvent, moi je les trouve marrants. Ouais, et c'était aussi. En fait le top 25 des trucs de crevard qu'on a tous fait au moins une fois dans notre vie. Donc je vais t'en citer 2-3 parce que ça va te parler, tu vas voir. Quand tu dis crevard, c'est les trucs un peu de radin quoi en gros. Hein. Ouais, de radin exactement, okay. Du style tu mets de l'eau dans ton shampoing presque vide pour essayer de garder un maximum. Ah oui, c'est ce que je vis totalement en ce moment, hein. Voilà. Je sais que j'ai le douche aussi. Celui-là. Tu sais, quand t'as plus de shampoing ou de gel douche, tu le mélanges avec de l'eau. Comme ça, t'as l'impression d'avoir bien du shampoing. Oui, mais le problème, c'est quand t'en mets dans ta main, là, ça coule sur les côtés. Ah oui, oui. Et du coup, il te reste plus rien dans le fond de ta main. Ça devient hyper liquide. Et en réalité, t'en as pas assez. Ouais, mais c'est pour ça que t'as des cheveux dégueulasses. C'est ça, les gars. En fait, les gars, dites-vous que quand on passe le 21 de chaque mois, c'est la merde. Il y a aussi, alors celui-là, je l'adore, je le fais tout le temps. Tu récupères les tubes de mayo des McDo et tu les mets dans ton frigo. Ouais, c'est ça. Et alors, vous avez remarqué un truc, parce que moi j'adore la mayo du McDo, sauf que quand tu les mets dans ton frigo, elles ont plus du tout le même goût après. Hein. Ouais, pareil pour la sauce barbecue. Ouais. Alors moi, je le fais tout le temps, je prends toutes les sauces, mais jamais je les utilise. Bah oui, moi pareil, elles s'entassent. Ça doit être un beau bordel dans le frigo. Ouais. Ouais, je te fais pas dire. Ouais. Tu récupères des mégots dans le cendrier afin de les fumer. Bah non, enfin. Ça c'est dégueulasse, et puis de toute façon on fume pas. Tu mets des assiettes en carton à tes invités. Oh non. Ah bah si. Oh non. Ah non. Bah si. Hein, toi t'es bien quelqu'un à faire ouais, ça. Tamara. Les gobelets en plastique pour éviter la vaisselle. Ah bah non. Si. Moi je suis trop. Ah et les gars, on a la première bourde de notre. Bravo. Faut lui rater la tête. Je vais expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Thibaut ? Alors, en fait, parce que bon, j'avais un papier, j'ai noté quelques musiques qu'on pourrait mettre ce soir. Bon, j'ai posé le papier à cet endroit-là et puis bah, ça a appuyé sur le bouton. Ah, d'accord. Sur la musique de la joie. Bon, c'est pas grave. Va. T'as utilisé ton joker, fais attention quand même. tu rentres dans le métro avant que les gens ne soient tous sortis. Ah oui, ça m'arrive. Ça, c'est horrible. Hein. C'est quand t'es trop impatient. C'est insupportable dans le bus aussi, hein, les gens font ouais, ça. Ouais, ouais, oui. On est d'accord. Quand tu dors chez quelqu'un d'autre, tu ne prends ni gel douche, ni dentifrice, juste pour utiliser ceux des autres. Ouais, c'est vrai. Et nous, quand on part en déloc avec Anso, bah, je prends rien aussi juste pour économiser, prendre les siens. Ouais, je prends rien. Mais surtout, je vole tous les gels douche et shampoings de l'hôtel. Ah, moi bah aussi, oui, je fais ça. Tout le monde. Et d'ailleurs, on est d'accord que qui les fait, ces shampoings qui puent là? Bah, c'est des. Et les gels douche puent dans les hôtels. Hein. Ça dépend dans quel hôtel tu vas. Non, attends, mais l'année dernière, on avait fait une émission, je crois. Non, on est parti à Albi. Oui. Dans un Ibis pourri. Oui. Et il n'y avait plus de gel douche. C'est un truc dans la salle de bain. Oui. C'est un truc qui est collé au mur. Oui, et t'appuies dessus. Et en gros, t'appuies, tu peux même pas le voler. Et c'est bleu. Et là, et ça fait tout. Les cheveux, le corps et les dents. Ouais, même la vaisselle. C'est tout, mon gars. Ouais, ouais, on l'a tous vu, celui-là. Utilises des pièces rouges pour donner des pourboires au serveur. Non, ça jamais. Non. C'est horrible. Moi, j'aime pas. Amir, non. Amir, tu laisses pas quand même un centime de pourboire. Non, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir plein de pièces rouges dans la poche. Et je me dis, entre zéro et avoir des pièces rouges. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on en fait, ces pièces rouges en vrai? Bah, rien. Bah, à ça. Bah, si, il y a les pièces jaunes, on peut les donner au téléphone. Enfin, c'est la même chose, pièces rouges, pièces jaunes. Ça marche aussi. Oui, ça marche. Bon, en tout cas, appelez-nous 01 42 48 5000, on parle des trucs de crevard. On va faire un petit tour d'équipe là. Moi, je peux vous dire, j'ai pas honte, j'ai déjà dit dans cette équipe, le truc que je fais souvent, c'est récupérer l'argent des stagiaires pour me payer des cafés. Oh non. Parce que je n'ai jamais de monnaie, donc j'avoue, enfin, je fais ça. Pas que des stagiaires, hein. Si. Mais attendez, les gars, vous croyez que je suis pauvre, pourquoi? C'est pas possible. Je te ramène tous les soirs parce que t'as pas une thune pour rentrer et tu me dis ça. Ouais, ouais. C'est quoi toi, Anso, ton truc? Bah moi, vous savez, je suis diabétique, donc du coup, j'ai un budget sucre assez élevé. Donc quand je vais dans des cafés, dans des bars, tout ça, je récupère tous les sucres. Ah oui, mais ça c'est normal, c'est pour la santé. Ouais, c'est pour la santé. Amir, il nous a dit, c'est les savons de l'hôtel. Ouais, il y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? J'ai trouvé une autre technique que j'ai découverte qui est plutôt sympa. C'est quand on fait un resto et on est 8-9 par exemple et qu'on paye tous chacun en carte bleue. Vu que chacun donne toujours plus. Ouais. Oui. Tu payes en dernier. Quand tu payes en dernier, et ben il y a au moins 4 ou 5 euros qui sont. Mais tu sais que. Ah ouais, non mais je suis d'accord, sauf que moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que mes potes ils payent toujours moins. Et à chaque fois, le dernier qui paye, et ben c'est l'inverse, il paye plus. Et mets-toi dans la bande de potes d'Amir en fait. Hein. Ouais, bah, c'est ce que j'essaie de faire, hein. Petit à petit, doucement mais sûrement. On est d'accord. Thibaut à l'arrière, c'est quoi le truc de crevard toi? Bah moi en fait, dans la cantine genre de mon lycée, on avait des couverts qui étaient super beaux. Et du coup, bah, je les ai empruntés quoi. Ah mais c'est pour ça qu'il y a moins de couverts à la cantine de femmes depuis tard. On est en galère. Ouais, ok, pas mal. Moi je faisais pas ça. Enzo, au standard, t'as un truc? Ouais, j'ai un truc. Moi c'était pour éviter d'acheter des capotes, j'utilisais la même. Non, j'ai fait une fois. C'est vrai que j'ai fait une fois. Non mais tu peux pas dire ça. C'est impossible, oui, c'est et c'est extrêmement dangereux. Il faut pas le faire. Bah je l'ai fait. Mais voilà, ça ne marche pas en plus. Si, ça marche. Ah bon? En une soirée, en fait, j'ai gardé la même capote pour refaire l'amour. Bon, et ben nous, on dira que ça marche pas. Jamais faire ça. T'as fait ça avec ta copine actuelle là? Non, c'était quand j'étais plus jeune. Espèce d'abruti, mais c'est pas possible. Non, les gars, à chaque rapport, il vous faut un préservatif différent. Ça ne se réutilise pas, enfin, n'importe quoi. Et j'ai appris un truc. Bravo Enzo. J'ai appris un truc entre la sodomie et la relation vaginale. Normalement, il faut changer de capote. Bien sûr, toujours changer de capote. Tu sais pourquoi? Bah parce que c'est pour protéger la flore interne. Oui, c'est ça. Il y a des bactéries du côté anal qui peuvent être transmises de l'autre côté si tu changes pas. Ouais, bah j'ai appris. Enzo, je te jure, t'es bête. Ah non, mais moi, j'explique le fait que je suis crevard comme ça. Et oui, c'est Thibaut, coupe son micro. Allez, c'est coupé. Ouais, ouais. C'est coupé. Bon, on a Julien de Rennes qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir, Julien. Salut les filles, c'est le Mario Anso. Ça va le Juju? Ça va et vous? Ouais, ça se passe bien du côté de Rennes? Ça va, là, tranquille. Petite soirée au KLM? C'est ça. C'est les vacances. Bien. C'est les vacances pour le Juju ou comment ça se passe? Ah, c'est fini, c'est fini. Ah, la tuile. Là, tu bosses où? Ah, ouais. Ouais, mais vous êtes là, c'est pas grave. C'est gentil, mon pote. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis chauffeur. D'accord. Tu et alors, oui. Il peut klaxonner ou pas? Là, ça va être un peu tendu quand même. Ok, merci, je repars sur la Dis-nous, c'est quoi ton truc de crevard à toi? Un bateau. Ouais, moi j'étais un gros crevard, mais bon, ça c'était avant, mais. Alors, en fait, moi, je pouvais pas m'empêcher, c'était de, quand j'allais au resto, c'est de ramasser tous les pourboires, en fait, que les serveurs n'avaient pas pris, quoi. C'est horrible ça. Ouais, non, ça c'est pas cool. Hein. C'est pas bien parce que les pauvres ils bossent pour justement avoir ça et. Ouais, non, ah, mais moi on m'a dit c'est pour boire, alors moi si c'est pour boire je prends. Elle est bonne celle-là. Tu le fais plus maintenant? Non, j'ai arrêté. Bon, bah, mais tu fais soigner, ça va mieux. Tu sais quoi, ce sera toujours moins con que l'anecdote d'Enzo. Voilà, c'est ça. Merci mon Julien, on t'embrasse. Bisous. Merci, gros bisous. Bisous, à bientôt. Bisous à toi, on a Linda aussi d'Aix-en-Provence. Le soleil. Bonsoir Linda. Salut les filles, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, super. Alors, crevarde ou pas crevarde? Crevarde. Raconte. Bah, en fait, moi, je collectionne les bons de réduction. C'est-à-dire, ouais. J'en trouve deux partout, donc sur Internet ou quand il y en a qui les distribuent. Et donc, en fait, après, je les utilise. Mais le problème, c'est qu'à la caisse, bah, les gens, ils attendent de 30 à 40 minutes. Ah ouais, c'est vrai. Le parce temps qu'on que... passe tous les trucs, ouais. C'est vrai. Ouais, surtout que moi, en fait, j'en passe un pour chaque article. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est un peu too much. Mais en même temps, je comprends, tu dois faire des économies de ouf avec ça. Ouais. Ouais, mais bon, entre le temps perdu et l'argent gagné, je sais pas... C'est vrai, Amir. Pas non fou. Mais c'est vrai que c'est pratique si vous voulez faire des économies de choper les bons de réduction sur Internet. Souvent t'as un paquet acheté, un paquet offert. Voilà. Alors comme ça mange pas de pain. Ouais, c'est surtout pour les familles nombreuses et tout. Ouais, c'est quand même valable quoi. Ouais, c'est bien. Bon ouais. Linda, moi je trouve que c'est plutôt économe et moi je suis team Linda. Moi aussi, je valide. Il y a un autre truc que je fais aussi, c'est que en fait quand ils nous disent renvoyer pour être remboursé, bah, moi je le fais tout le temps aussi. Ah oui, d'accord. Genre, s'il y a un problème dans le produit, et genre, tu peux le renvoyer, toi, tu le fais. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais il faut vraiment qu'il y ait un problème. Non. Non, pas spécialement. En fait, ils peuvent te rembourser à tout moment. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu participes à des jeux, s'ils t'appellent. Ouais. S'ils t'appellent, c'est un règlement. Ils doivent te rembourser si tu fais une demande. Si t'envoies une lettre, j'en sais rien, à Nestlé, parce que tu, je sais pas quoi, ouais, tu veux te plaindre, ils peuvent te rembourser tout le temps. Ok, et eh bah t'as raison Linda, tu gagnes des sous, tu t'en sors bien, bravo ma Linda. Eh bien c'est parce que je disais, je suis team Linda. On t'embrasse. Bisous. Bisous ma belle. Ciao. Bisous Linda. Bon, on a aussi Sophie de Toulouse qui nous a appelé, mais alors on me fait signe qu'elle a pas appelé que pour ça. Non. Je vous rappelle qu'en tout début d'émission, nous avons eu Jean-Marc. Jean-Marc qui nous a chanté Black M. Et surtout Jean-Marc, il a 48 ans, il est horticulteur et il cherche l'amour. Oui, du côté de Toulouse. Voilà, donc je vous propose qu'on rappelle Jean-Marc dans un instant parce que Sophie est assez intéressée par Jean-Marc. Ah, c'est énorme. Ne ratez pas ce moment, je pense que ça va être énorme. Et pour faire de la radio avec nous, un seul numéro, 01 42 48 5000 et puis le hashtag le Night Show si ça marche. Ah, bah toujours oui. Connecté. Hein. Allez, bougez pas. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro. C'est Fun Radio. Kungs. Martin Solveig. Lion. Ugel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Le chasseur et la reine des glaces. Grâce au pouvoir du miroir, je dominerai le monde. Découvrez l'histoire qui a précédé celle de Blanche-Neige. Chasseur, es-tu prêt? Avec Charlize Theron et Chris Hemsworth. Un grand film d'action et d'aventure. Le chasseur et la reine des glaces. En DVD, Blu-ray, coffret. Ce miroir est maléfique et dangereux. On doit le détruire. Avec Fun Radio. Salut, c'est Miko sur Fun Radio. Salut, Miko! Vous l'aurez compris, il y a une bonne teuf qui se prépare et j'ai bien l'impression qu'il compte sur moi. Pour l'ambiance, mais pas que. Bon, en même temps, c'est normal. Ce soir, ça c'est moi. Sam, celui qui permet de rentrer en toute sécurité. Oui, Sam, celui qui conduit, donc celui qui ne boit pas. Allez, tout le monde sur le dance floor, ambiance party fun pour ce soir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Hey everybody, it's Jennifer Lopez on Fun Radio. Fun. Le son Dance Floor. Ma flight secret. Și ca un hoț a intrat. Supera mea. Și știi costi è uno sbrosto da un tempo va ti tieni di minuti noi per un cattolismo supera me. Flammer la Corse. C'est ça, ouais. Mais les vacances, c'est fini. Alors on retourne bosser, ok? Je ne suis pas vexée! Mais du tout! Bon, bah ok, ça va, faites comme vous voulez. Night Show! De 22h à minuit, Marion et Anso sont de retour pour la saison 2 du Night Show sur Fun Radio. Et dans quelques minutes sur Fun, on aura le Pourquoi tu m'appelles, le Poké Lost, et on va parler cul. Très beau programme, j'ai l'impression, Lilo. On va aussi essayer de trouver une meuf à Jean-Marc dans un instant, ouais, puisqu'on a quelqu'un qui nous a appelé. Jean-Marc, il est toulousain et il cherche une nana. Ça fait 6 ans qu'il est célibataire, petit chat. Et donc, du coup, on essaie de lui trouver une nana. C'est notre mission du soir, Marion. Bah, j'ai l'impression que la mission commence à porter ses fruits, puisqu'on a Sophie au téléphone. Ouais, Sophie de Toulouse. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Marion Yanto. Salut tout le monde. Ça va, Sophie? Ça va, super. Alors, toi, on nous a dit que tu as appelé pour deux raisons. Déjà, pour réagir au sujet des crevards. Au sujet, ouais. Et après, pour Jean-Marc, mais ça, on y reviendra. Aussi. Oh, je suis excitée. Alors, dis-nous, c'est quoi le truc que tu fais comme ça, en mode radine? Ben, je l'ai fait beaucoup l'année dernière. J'ai été beaucoup chez le dentiste. Et elle m'avait prescrit un dentifrice qu'il fallait que je prenne à la pharmacie. Et en fait, la première fois, elle m'avait donné des pots d'échantillons. Et bien sûr, les autres fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servie dès qu'elle avait le dos tourné. Et une fois, manque de peau pour moi, la secrétaire m'a flagué, la honte de ma vie. Elle m'a dit, madame, vous avez pris quoi là dans votre poche? Je lui ai dit, non, rien, juste deux tubes, quoi. Elle me dit, non, mais vous plaisantez, là, vous en avez pris au moins une trentaine. Et je me suis sentie devenir rouge, un truc de fou, la honte de ma vie. Bah, en même temps, j'ai plus jamais refait, j'ai changé de dentiste. Mais moi, je comprends trop la tentation d'en prendre un ou deux, mais pas 30, quoi. Bah, c'est ça. Bah, franchement, non, c'était des tout petits. Donc, tu vois, je prenais deux paquets que je foutais soit dans mon sac, soit dans ma poche. Et ça va vite, tu vois, en petit format. Donc, j'en avais pas 30, mais bon, pas mal, quoi. Sophie, t'es une crevarde, ne te justifie pas, y a pas de soucis, t'es une bug quand même. Moi, j'ai chopé, ma Sophie, tu vas me dire si ça te concerne ou pas, le classement des objets les plus volés dans les hôtels. Vous allez me dire, l'équipe et Sophie, si ça vous est déjà arrivé d'en prendre, ok? En top 10, il paraît qu'on vole des coussins. Jamais fait, moi. Mais comment vous voulez des coussins? Ah, c'est un peu gros. Bah, si, dans la valise, tu le plies et tout, ouais, quoi. Ouais, il y a des gens qui le font. Cela dit, les oreillers des hôtels sont quand même plutôt confortables. Hein. Ouais. En 9, on a le drap de lit. Ça me viendrait même pas l'idée. Moi non. Non. Voler un drap, quoi. Ah ouais, surtout qu'il y a eu quand même du monde qui a dormi dedans, c'est un peu crado, quoi. Bah, ils sont lavés. Mais j'imagine bien qu'ils sont lavés, mais enfin, quand même. Ouais. Ok. Trop d'histoire. En 8, alors là, c'est le pire que. Le pire. Œuvre d'art ou tableau. Bah. Oh non. C'est flag. Comment tu veux être discret? Bah, tu mets un coussin dans ta valise, tu peux mettre un cadre. Ouais. Ouais, okay. Mais c'est souvent pas de très bon goût en plus. Ouais. Non, c'est dégueulasse. Et maintenant, ils sont vissés au mur. Bah oui, mais c'est parce qu'ils ont, ils sont fait voler plein de fois. J'ai essayé de bouger l'autre jour. En fait, j'y avais pas pensé, mais c'est pas bête. Des piles. Genre, tu prends les piles des télécommandes et tout. Ah ouais. Ah, j'ai jamais pensé. Bah, ça, c'est vraiment crevard. Hein. Ouais, c'est crevard, mais Sophie est d'accord avec moi. C'est pas bête. Ouais, pourquoi pas. On a aussi les savons, shampoings, tout ça, tout le monde l'a fait. Ouais, ouais, obligé. Non, mais surtout, c'est fait pour. Ouais, oui. Et puis maintenant, ils mettent même un petit truc pour. Au cas où t'as fait un trou dans tes vêtements, tu sais, genre pour recoudre et tout. Et une épingle. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Ils mettent des petites kits de couture. Non, mais moi non plus, Sophie, j'ai jamais vu ça. Tu vas dormir dans des hôtels qui a 6 étoiles, toi. Ah, des kits de couture. Vous avez jamais eu ça ? Si, non. Si. Ah, pas du tout. Ils mettent ça parfois, des petits kits. En 5, on a les couverts. Bah alors là, faut quand même aller au resto de l'hôtel, voler les couverts, non. Ou s'appeler Thibaut à l'arrière. Ouais. Ouais, non. En 4, on a les stylos billes. Ouais, bon, non, ouais. Ça sert à rien. Oui. On a les cintres en 3. Non. Ah, ça, si. Les cintres, moi j'ai déjà essayé d'en prendre. Ouais. Mais maintenant, c'est détaché. Maintenant, exactement. Et ou alors, ils sont attachés aux tringles. Ouais. Tu peux plus les prendre non plus. Oh, les cryptes de Covid. C'est pas possible. En 2, on a les peignoirs. Bon, tous déjà faits, surtout Amir. Ouais, surtout Amir. Mais maintenant, tu les fais facturer. Hein, ouais, je sais. Les peignoirs. Et puis, en 1, les serviettes de bain. Ouais, pas et pensé. Pareil, tu te les fais facturer. Ouais, aussi. Ouais. Voilà, et bah écoute, je viens de vous donner pas mal d'astuces pour vous refaire, j'ai envie de vous dire. Moi, il y a un truc que je garde tout le temps. Et c'est peut-être plus pour le souvenir, mais c'est les badges de l'hôtel. Les badges. Parce que maintenant, c'est des clés magnétiques dans les hôtels. Ça, oui, ça sert à rien. Ça. Et ben, je les garde. Et pourquoi faire ? Super. Aucun intérêt. Bah, tu sais, vous voyez le film Le Dîner de Con ? Il fait des collections. Et ben voilà, c'est Amir. Oui, Enzo, standard. Bah, pour pouvoir voler facilement les serviettes et les peignoirs, quand la femme de ménage elle passe avec le chariot, là, tu te sers tranquille. Ah, moi, je le fais souvent, ça, dans les hôtels. Ouais. C'est des pas peignoirs sales, ouais. Du coup. Excusez-moi, on n'avait pas demandé à Enzo d'éteindre son micro. Enzo, les bons conseils ce soir. Tout. Bon, ma Sophie, t'es peut-être crevarde, mais il y a un petit cœur qui bat sous ce corps de rêve. Un petit peu, oui. Puisqu'il paraît que t'es toulousaine et que tu as entendu l'appel tout à l'heure de Jean-Marc, hein, 48 ans, qui cherche l'amour. Et alors, il t'a plu apparemment. Un petit peu, ouais, il m'a touché. Franchement, il m'a touché. C'est vrai qu'il est assez touchant, Jean-Marc. Alors, son interprétation Black M, moi, j'avoue. Mais franchement, voilà, il m'a touché. En plus, on a des points communs. Il a dit qu'il était horticulteur. J'aime les plantes. Voilà, donc pourquoi pas. Moi, je suis célibataire aussi. Je suis sur Toulouse. C'est vrai que si je puis me permettre, ça fait un sacré point commun. Là, vous êtes sur l'autoroute de la plantes et Toulouse. C'est pas mal. Est-ce qu'on l'appellerait pas? Bien sûr, on va appeler Jean-Marc tout de suite. J'espère qu'il va décrocher. Bon, Sophie, tu nous laisses faire, on va te le passer après, d'accord? Ok. Oh, alors, en même temps, on avait dit qu'ils se tiennent prêts au cas où on le rappelle. Alors. Ah. Allô? Jean-Marc? Oui. Oui, c'est Marion et Anso, t'es en direct sur Fun Radio, Jean-Marc. Ok. Bon, tu es en train de nous écouter ou pas? Oui, j'écoute l'émission, sans souci. D'accord. Est-ce que déjà ce que tu as entendu te plaît? Oui. Oh, il est très touchant. Impeccable. Bon, elle a 34 ans, elle s'appelle Sophie, elle est adorable comme tout, elle aime les plantes et elle est en ligne. Donc ce que je te propose, mon Jean-Marc, ben, c'est de te la passer, comme ça vous faites connaissance, ok ? Pas de souci. Je vous rappelle que Jean-Marc est célibataire depuis 6 ans et qu'il cherche l'amour. Sophie et Jean-Marc, discutez, hein, allez-y. Allô ? Oui, bonsoir Sophie, c'est Jean-Marc, 48 ans de Toulouse. En fait, j'habite un village à 15 km de Toulouse qui s'appelle Pain-Justaré, je sais pas si tu connais. Bah oui, carrément. Pain-Justaré, c'est... Je travaille vers Balma-Saint-Jean, donc Pain-Justaré, c'est carrément à côté, ouais, à 10-15 km. Oui, c'est ça. Bah ouais. Et t'es comment physiquement? Ah bah de suite, je suis comment? Je fais un taille 34, j'ai une petite poitrine, je fais un 90B, j'ai 34 ans, je suis blonde, j'ai les yeux bleus. Ah, voilà. Jusqu'à maintenant, je n'ai fréquenté que deux brunes, enfin, je n'ai jamais fréquenté de blondes. Tu es une fausse blonde, mais c'est plutôt bien fait. Voilà. Bon, Jean-Marc, en plus, j'ai entendu que tu étais horticulteur. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai trouvé ça touchant, mignon. C'est rare, les hommes qui... Enfin, j'en ai jamais connu, en tout cas, qui faisaient ça. J'adore les plantes. J'en ai beaucoup, mais j'ai pas du tout la main verte. Ah, moi, je l'ai, par contre. Ok. Et par contre, Black M moyen. Hein, je dis la vérité, quand même. Hein. Tu m'as touché, mais Black M moyen. Si tu veux me faire une autre chanson, c'est avec plaisir, d'ailleurs. Ah oui. Une autre chanson. Ah oui, alors ça c'est un petit Patrick Sébastien. Ah oui. Allez. Qu'est-ce qu'on essaie au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Et qu'est-ce qu'on essaie au fond de cette boîte? Chante les sardines entre lui et les aromates. Wouh! C'est mignon. Bon, du coup, Sophie, je le kiffe. Sophie, au moins, tu sais. J'ai préféré, tu vois. Tu sais, au moins. J'ai dansé en même temps qu'il faisait ça. On s'ennuie pas avec Jean-Marc, au moins, il met l'ambiance, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Et, Jean-Marc, globalement, moi, je trouve que Sophie, elle a une super belle voix, tu trouves pas? Ah oui, elle a une charmante voix. Alors, est-ce que Jean-Marc, tu es intéressé par elle ou pas? Oui, avec plaisir. Oh, mais on peut se reparler avec grand plaisir, Jean-Marc. On se reparle hors antenne, si tu veux. Et voilà, et pourquoi pas, j'espère. Et on tiendra au courant l'équipe. On peut discuter déjà. Moi, ce que j'aimerais juste savoir, Jean-Marc, c'est tu vas l'amener où? Tu vas faire quoi avec elle? L'emmener où? Si elle est disponible ce week-end, on peut essayer de se voir ce week-end sur Pingustarien. Mon village se trouve à 15 km de Toulouse. Ouais, mais tu vas faire quoi? Un petit resto, petit verre, petit ciné? Ouais, je peux l'emmener, l'inviter à boire un coup avec moi. Non, mais attends, Jean-Marc, il faut lui préparer un truc. Bah tu l'emmènes pas chez toi et hop, à poil, hein? Non, pas chez moi. Enfin, je parlais pas chez moi. Je disais l'inviter à boire un coup dans un café. Jean-Marc, tu vas t'habiller comment? Oui, comment? Jean, t-shirt, chaussures fermées. Bien ça. Jean-Marc, un petit peu de gel dans les cheveux? Non, je mets pas de gel. D'accord, Jean-Marc. Ah, il a du style, là. Ouais, parfum, Jean-Marc, on n'oublie pas. Hein. Oui, parfum. Oui. Et le déo, Jean-Marc, le déo. Ouais, très important. Et rasé, surtout. Ouais, c'est bien. Partout, hein. Ça dépend d'où, Jean-Marc, rasé d'où? La figure, le menton, le fond. Et le. Ouais, d'accord. Et surtout, la figure, le menton et surtout le. Franchement, Jean-Marc, je t'adore, tu me touches beaucoup. Je sais pas si ça va marcher avec Sophie, si elle est sérieuse, si elle est sincère. On va vous laisser hors antenne, mais en tout cas, je veux que tu nous racontes si jamais tu la vois, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci, je vous rappellerai. Bon, Sophie, tu prends bien soin de notre Jean-Marc, d'accord? Ouais, il est adorable. Et franchement, il est adorable. Surtout si vous vous calez ce week-end, moi, je veux vous avoir au téléphone tous les deux dimanches pour savoir comment ça s'est passé. Hein. On vous tient au courant sans faute. Allez, on t'embrasse, Sophie. Bisous, ma belle. Gros bisous, bye-bye. Bisous. Jean-Marc, on t'embrasse. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On te rappelle si on a d'autres plans sur Toulouse dans la soirée ou pas? Non, c'est bon, je garde Sophie. Bah attends, Jean-Marc, attends, t'enflamme pas, ça se trouve, elle sera pas dispo, ou tu vois, il faut... Ah d'accord, ok. Tu vois, on sait jamais. Il faut toujours un plan B, Jean-Marc. Eh ouais. D'accord, ok, mais je sais pas. Petit bruit de l'oreille. Jean-Marc, tu te touches en même temps avec nous au téléphone ou quoi? Non. Oh, Bichon, il est stressé. Jean-Marc? Pardon, j'ai pas compris votre question. Non, parce que tu fais des petits bruits comme si tu prenais du plaisir pendant que tu nous parles, mais je sais que c'est parce que c'est le stress. Et franchement, merci de nous avoir appelé, t'es un amour. Je te kiffe, moi, Jean-Marc. Merci beaucoup. Bon, si on a d'autres plans, on te rappelle, mon Jean-Marc. Bisous. D'accord, ciao. Bisous. Il adore. Oh non, mais franchement, je le kiffe. Mais je le trouve tellement touchant. Et sans déconner, j'aimerais tellement que ça marche entre Jean-Marc et Sophie. J'espère qu'elle est sérieuse, tu vois, parce que voilà, c'est compliqué comme ça au téléphone. Mais Jean-Marc, il me fait rêver avec son. Comment il s'appelle son bled déjà? Je sais pas. Ça doit être une petite blague. Non, si, sympa. Je sais, il s'appelle. Jean-Marc, j'adore. Bon, restez avec nous. Dans un instant sur Fun Radio, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Vous gagnez vos sacs à dos cuts. Ça, c'est cool pour la rentrée aussi. Oui, ouais, hop, ouais. Vous avez pas de sac à dos. Eh ben 01 42 48 5000. On se retrouve juste après DJ Snake, qui m'a toujours pas tweeté d'ailleurs. On écoute Talk sur Fun Radio. Touch of your skin. auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Là, c'est Marion et Anso, le Night Show. Et justement, si vous nous rejoignez, bah, vous savez peut-être pas que c'est clairement l'émission des youtubeurs. On en a reçu beaucoup l'année dernière. Mm-hmm. Et on se posait cette question avec Marion. Quel youtubeur ou youtubeuse vous aimeriez entendre dans notre émission? Voilà, le premier que vous voulez qu'on reçoive, hashtag le Night Show sur Twitter. Et promis, on vous suivra, quoi. Merci. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui, là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Si vous voulez voir à quoi ressemble Pourquoi tu m'appelles, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Il y a les meilleurs en vidéo. Donc comme ça, vous regardez, vous vous dites « Ok, ça me chauffe, je m'inscris. Ok, ça me chauffe pas, je m'inscris pas. » Oui, c'est ça. Mais n'ayez pas peur, parce qu'on passe toujours un bon moment. Et en règle générale, quand vous me choisissez, eh bien, vous gagnez. Exactement. La page Facebook Marion et Anso pour s'inscrire, c'est tout simple. Un petit MP, quoi. On est connecté. Ouais, et c'est des sacs à dos Cuts à gagner. Ils sont chambés. C'est Nico qui va jouer avec nous ce soir. Bonsoir, Nico. Salut Anso, salut Marion, salut l'équipe. Ça va, Nico? Ça va et toi? Ah bah tu sais, tu nous as manqué cet été. Hein. Ah bon? Ah bah, j'ai pensé à Nico, moi. Bah je t'explique, c'est-à-dire que Marion m'a envoyé des textos et Nico par-ci, Nico par-là, Nico dès que son plan, il est où? Ah bah ouais, tu m'as manqué, mon pote, tu le sais, franchement. Mais oui, je le sais, toi aussi, chérie. Oh, t'es célibataire, Nico, ou pas? Mais oui, t'inquiète. Moi aussi, tu m'as manqué, Nico. Ah, mais chacun sa merde, hein. Bien dit. Tu veux jouer contre qui ce soir? Mais contre Anso. Okay. Ok, cool. Est-ce que tu veux qu'elle commence ou est-ce que tu veux y aller? Comme elle veut. Anso, tu veux commencer? Allez. Je vais te donner un handicap comme chaque soir. Et là, c'est pareil, on reste dans le domaine du manque. Tu m'as fait la voix de la petite fille l'autre jour. Ouais. J'ai envie que tu me fasses la foraine. Ah oui. Voilà, ça m'a trop manqué cet été. J'ai envie que tu te lâches là-dessus, quoi. Tu sais que je l'ai pas fait de l'été, alors je sais pas si je le tiens. Hein. Mais si tu le tiens, j'ai confiance en toi. Bon, bah écoute, si t'as confiance en moi, j'ai confiance en toi. On y va. Allô, allô. Allô. Allô, allô. Pourquoi oui, tu m'appelles? Bonsoir. Allô. Allô. Gislaine. C'est ma Gigi, c'est la Slaine. Bonsoir Gislaine. Et bienvenue. Pourquoi tu m'appelles? Ah ben non. C'était pas mal. Ah non, mais ma Gigi. Comment elle s'appelait d'ailleurs? On sait pas, hein. Comment elle s'appelle? Ouais. Combien de temps elle a fait? C'était nul. Elle a fait 15 secondes. Ouais, elle a fait 15 secondes, c'est chaud. Je t'en accorde un autre. Ah merci. On en refait un. Ouais. Allez. Laissez bien, tu le tiens. Deuxième chose. Allô. Allô. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? C'est ma Brigitte. Ma Brigitte. Ma Brigitte, bonsoir. Une seule question. Une question, attention. Je la pose. Brigitte, pourquoi tu m'appelles? Ça va te stimuler, ma bouvrie. Ça va te stimuler, ma Gigitte. Alors, on y va, on répond. On est là, allô, allô. On t'entend pas, Brigitte. Fais du bruit, ma Brigitte. Elle est toujours là, hein. Brigitte. Allô. Oui, allô. Allô, c'est le mari de Brigitte. Un petit tour pour le mari de Brigitte. Bravo. Oh non, la catastrophe. C'est trop chaud. On était sur du 30 secondes là. Mais ouais, mais les gars, ouais. À quel moment tu reçois un appel comme ça, tu continues à répondre? Franchement, c'était bien. C'est impossible, quoi. Par contre, on va garder pour Nico le score de 15 secondes. Hein. Ouais, d'accord. Bon, bah, oui. En même temps, même 30 secondes, c'est facilement battable. Nico. Mais oui. Ouais. T'es prêt, mon Nico? Bah, c'est gentil. Allez, je suis prêt. Allez, c'est parti. Comment tu l'as trouvé, ma prestation? Franchement, elle mourir de rire. Ma prestation, donc. Excuse-moi. En fait, j'essaie de me lancer. Tu m'as tué, franchement, tu m'as tué. Tu m'as fait en concert, quoi. Non, non, j'ai décidé d'ouvrir un manège. Allô? Oui? Allô? Oui? C'est pourquoi? Je sais pas, je viens de te rappeler par. Mais pourquoi tu m'appelles, en fait? Allô? Oui? Oui, enfin, je sais moi pas. Je viens d'être rappelé, désolé. C'est un rappel automatique. Parce que moi, je n'ai pas le rappel automatique, donc je voulais savoir pourquoi tu m'appelles, du coup, justement. Pour rien. Je n'ai pas de rappel automatique non plus, désolé. C'est la poche qui a fait. C'est pas marrant. Pourquoi tu m'appelles? Hein? Allô? Aïe. J'ai peur là. Bah non, il a quand même fait mieux qu'Anso. Alors, certes, c'était nul. Ouais, c'est oui, il a fait combien? 25 secondes. Ah, 25 secondes. 35 secondes alors. Non, 35 secondes. Attends, Thibaut, l'arrière. Attends, parce que tu veux pas être approximatif. approximatif comme ça, non, tu mais... sais. Il faut que tu nous dises, est-ce qu'il a fait 25 ou 35? Non, c'est 35. C'est 35 c'est secondes. Sûr, ouais, c'est 35. 35 secondes ou 35 minutes? Non, mais on dirait qu'il non, mais j'ai un avec les deux, les trois. On la prend pas pour le spectacle, c'est là, Nico, par contre. Bon, eh ben, du coup, les gars, quoi qu'il arrive, c'est gagné! Par contre, Thibaut, va falloir faire gaffe quand même, hein, parce que ouais, sur un problème. Hein. Il a fait une minute. Non mais t'es dyslexique, c'est ça? Oui, dyslexique et dysorthographique. C'est vrai? Et c'est dur à dire. Ah oh, bah arrête, vous voulez pas qu'on vire ce gars? Voilà. Gardez-moi! Bon, Nico, mon chat, c'est gagné, on t'envoie ton sac à dos Cuts. Oh bah, c'est bien, au moins ça me fait mon cadeau d'anniversaire. Ah, c'est ton anniversaire? C'était les 19. Ah bah bon anniversaire alors, à toi. C'est passé. Bah merci. C'est bon. On t'embrasse. Bisous Nico. Allez bisous. Ciao. Gros dossier qui arrive dans un instant dans le Night Show puisqu'on aura Marine au téléphone. Marine elle nous a appelé parce qu'elle a passé un sale été. En fait il y a son beau-père, le mec de sa mère qui l'a dragué tout l'été. Mais c'est malsain. Hyper malsain, elle est super mal à l'aise, elle sait pas comment s'en sortir, si elle doit en parler à sa mère, tout ça. Donc bah bougez pas, gros dossier dans le Night Show juste après Bob Sinclair sur Fun. C'est le Night Show et ça y est, il est temps d'accueillir celle dont on parle depuis un moment maintenant. Elle s'appelle Marine, elle a 21 ans, elle habite Le Mans. Et Marine, elle a eu une grosse galère là tout l'été, elle va nous raconter. Bonsoir Marine. Bonsoir les filles, bonsoir toute l'équipe. Ça va? Je vais avoir besoin de vos conseils. Il paraît Marine, alors déjà explique-nous en deux mots qu'est-ce qui se passe. Bah disons que mon beau-père m'a fait du rentre-dedans pendant les vacances. D'accord, alors d'accord. Ok. Okay. Sur l'échelle de 1 à 10 du rentre-dedans, on est à combien? Bah, ça a commencé vers 6-7 et maintenant c'est vers 9-9,5. Okay. Oula, d'accord, ok. Bon. Marine, tu sais quoi? Tu vas nous raconter ça dans un instant. Moi, j'ai plein de questions à te poser et je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui se posent des questions aussi, d'accord? D'accord. Bon, reste avec nous et puis vous, appelez-nous là, 01 42 48 5000, ne serait-ce que pour soutenir Marine, hein, je pense qu'elle a besoin. Et puis si vous aussi, vous êtes fait draguer par quelqu'un d'improbable comme ça, on en parle tout de suite sur Fun Radio, bougez pas. Partez faire la fête pour l'événement électro de la rentrée. Inox. L'Inox Park avec Fun Radio. Inox, put your hands up. Hey. Dès que vous entendez le double feu avec les tubes de Don Diablo, mixé à Nils Van Zandt, It's Nils van Zandt on Fun Radio. Fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Le 3 septembre. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Avec en DJ set. Nervo. Don Diablo. Nils van Zandt. Chucky. Tujamo. Et bien d'autres. Prêt pour le grand voyage? C'est le double fun sur Fun Radio. Le son dance floor. 3228. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Samuel se prépare à aller chez McDo. Mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Elles reviennent. Bonsoir la France. Plus motivée que jamais. On est content d'être là. Toujours pleine de délicatesse. Une fois, je me suis pas épilé le maillot pendant 2 mois. Oh. Dans la bonne humeur. On sera là pour une saison 2 avec vous tous, 22h minuit. Marion et Anso. Night Show. Saison 2. Ça va être un kiff énorme. Sur Fun Radio. On est là et on est là avec Marine ce soir qui nous a appelé du Mans parce que son beau-père l'a draguée tout l'été. Alors on va resituer tout ça parce que c'est un peu complexe. Marine, t'es toujours là? Oui, toujours là. Alors déjà, moi, la première question que j'ai envie de te poser, le beau-père, il a quel âge et ça fait combien de temps qu'il est avec ta mère? Alors il a 39 ans. Ouais. Et ça va faire, 9 mois par là qu'il est avec elle. Ok, ouais. Un peu moins d'un an. D'accord, et ta mère, j'imagine qu'elle est hyper amoureuse de lui. C'est ça. Ils habitent ensemble? Oui et non, c'est en pourparlers justement. C'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils, savoir s'il faut que je le dise ou pas à ma mère ou... Ah, c'est hyper délicat. Que je dois faire. Mais attends, j'ai plein de questions, Marine. Comment ça a commencé et quand surtout? Bah disons que cet été, donc on est partis en vacances tous ensemble. Mm-hmm. Et j'étais en maillot de bord au bord de la piscine et c'était tout le temps, tu veux que je te mette de la crème, et nana. Donc au d'un moment, j'ai dit bah oui. Puis bah il descendait et après il me disait oh, viens, on va au restaurant, au cinéma, mais sans ta mère et tout ça. Oh. Donc voilà. Ah oui, il passe très subtil. Moi je sais plus comment réagir. Non mais quand tu disais il te mettait de la crème et tout, genre il te touchait les fesses et tout ça? Pas tout le monde dessus, mais il va y passer vraiment très près. Ah ouais. Est-ce qu'il t'a envoyé des petits messages explicites ou pas du tout? Plus verbalement, au niveau viens on va au resto, mais peut-être tous les deux sans ta mère. D'accord. Ouais, donc toi t'es sûre et certaine que c'est pas juste de la gentillesse pour apprendre à te connaître, qui veut vraiment te pécho quoi? Je pense pas, oui. Je pense vraiment que c'est vraiment pour vouloir pas aller plus loin. Et t'as des frères et sœurs, Marine? Non, je suis toute seule. Ouais. Mais ta mère, elle a rien vu? Non, c'est pour ça. Et je voudrais lui ouvrir les yeux sans lui dire directement parce que j'ai peur de la blesser. Mais est-ce que c'est pas toi qui a un peu l'esprit tordu? Peut-être le mec, il est hyper tactile et que. Il y a des gens comme ça. Ouais, Non, moi, je suis normale, c'est ça que je. Non. Est-ce qu'il t'a envoyé des SMS? Est-ce qu'il a avec toutes tes photos sur Facebook? Enfin, j'en sais rien, tu vois, parce que tu peux pas te baser. Alors déjà, je ne l'ai pas sur Facebook. Et non, c'est. Amir, c'est explicite. En parlant. Si le mec c'est pas lui par dit, message ni rien, c'est direct. Voilà, si le mec lui dit j'ai envie d'aller au resto juste avec toi, sans ta mère, et qu'en plus il est à deux doigts de la ploter quand tu lui mets de la crème, bon. Non mais bah alors à ce moment-là, elle a qu'à aller au resto avec lui et elle lui dit ce qu'elle pense. Non, faut même pas passer le cap. Franchement, fais surtout pas ça. Hein. Non, mais par contre, tu peux effectivement, comme dit Amir, lui dire ce que tu penses. Lui dire, mais je comprends pas pourquoi tu veux aller au resto avec moi sans maman. Est-ce que c'est. Enfin, tu vois, je joue la con, tu vois. Pourquoi tous les deux? Parce que ça se trouve, le mec, il va te dire, je veux organiser une surprise à ta mère. Non, mais de toute façon, Marine, avant de dire quoi que ce soit à ta maman, il faut absolument que tu aies une discussion claire avec lui en lui disant, mais attends. C'est hyper malsain. Moi, écoute, je sais pas si t'es en train d'essayer d'engager quelque chose avec moi, mais je trouve ça. Je suis pas très à l'aise, en fait. Tu m'aimes mal à l'aise. C'est ça qu'il faut que tu lui dises. Et si justement, il me dit que bah, pour lui, il veut aller plus loin, que. Bah, s'il dit ça. Attends, parce que tu le repousses. On n'a pas posé une question. Peut-être qu'il te plaît. Enfin, Marion. Ah, bah, du tout. Ah non, puis même. Il est pas moche, hein. Attends. Ça, c'est sûr, mais c'est le mec à ma mère, il a 39 ans, et voilà. Oui. Ah oui, c'est le mec de sa mère. Non, mais je sais, mais bon, c'est pas la première fois que des gens nous appellent en disant je suis attirée par le mec de ou la meuf de, tu vois, ça peut arriver. Oui. Là, tant mieux, c'est pas le cas. Donc, ouais, c'est à toi de mettre les choses au clair. Je pense que ça sert à rien de faire du mal à ta maman. Épargne-la pour l'instant. Parle juste à ton beau-père tranquillement et si lui il fait le relou et qu'il insiste et qu'il te drague vraiment et clairement, là ouais franchement il faut que t'évites ça ta mère parce que ça veut dire que c'est un connard quoi. Simplement. Enfin, ça va être délicat à dire quand même, quoi. Je comprends, mais il faudra le faire parce que sinon, ils vont s'installer ensemble, avoir une vie ensemble et voilà, quoi. C'était déjà arrivé, Marine, de te faire draguer par d'autres personnes comme ça où il faut pas, genre par exemple ton patron Non, c'est bien la première fois, c'est pour ça que je vous appelle pour avoir des conseils parce que là, je suis perdue, mais totalement. Mais justement, Marion, c'était peut-être arrivé, toi. T'as peut-être des conseils à donner à Marine Ça m'est déjà arrivé, un de mes anciens patrons. Et c'est très compliqué. Moi, ce que je conseillais, c'est vraiment la technique de l'esquive. Parce que quand c'est ton patron. Ouais. T'es mal à l'aise, tu peux pas parce que si tu l'envoies trop bouler, bah t'as peur pour ton taf. Si tu l'envoies pas bouler, bah t'es une fille facile. Ouais, puis contrairement à Marine, tu peux pas avoir de discussion claire avec lui en plus. Non, donc toujours esquiver gentiment mais sûrement. Moi j'ai eu ça et je m'étais fait draguer aussi par le mec d'une copine. Oh là là, l'horreur. Ouais, c'est dur aussi ça. Bon bah du coup je suis sortie avec, mais après. Ouais. Mais bon, après ma copine elle a compris et du coup ça s'est bien passé. Mais non, je rigole. En fait c'était pas vraiment son mec, c'était son plan cul et elle avait pas de sentiments pour lui, mais j'étais quand même hyper mal à l'aise. Ouais. J'avoue. Bah merci. Bah oui, mais j'avoue. Voilà, mais ça s'est super bien passé. Je lui en ai parlé. La discussion c'est la clé de tout. Ouais. Moi ça m'est jamais arrivé. Si toi t'as déjà essayé de pécho à l'hôpital. Moi j'ai essayé de pécho à l'hôpital. En fait quand j'étais à l'hôpital j'étais hospitalisée en mois de janvier là pour mon diabète. Oui. Et donc j'étais en soins intensifs au début. Donc j'étais souvent en malaise, donc j'étais dans les vapes. Et donc parfois j'avais des alus. Et il y avait un infirmier qui venait me voir toutes les demi-heures. Et à un moment j'ai fait un malaise et je lui ai dit genre hey, mon petit je sais pas quoi. J'ai en grosse chaudasse quoi. Ouais, sauf que je me rappelle plus, c'est lui qui me l'a raconté le lendemain en mode délire. J'étais extrêmement malade. C'est ma vraie nature en fait. Ouais, c'est ma vraie nature. Tu dois être la bonne copine que les mecs. De tes copines veulent salir, non? Oh, mais c'est moche, Amir, respecte-moi. Mais enfin. Non, mais c'est un fantasme. Mais non, mais vouloir salir quelqu'un, c'est quand même irrespectueux. Ben non, c'est pas du tout irrespectueux, ça veut dire qu'elle est hyper attirante. Ouais, ouais. Mais c'est juste que les mecs, ils osent pas. Non, mais pas les mecs de mes copines, hein. Pas non. Eux. Pas d'autres, eux. Mais pas eux. Alors, tu vois. Bon, dans l'équipe, est-ce que vous, les garçons, vous êtes déjà fait draguer comme ça par quelqu'un de complètement inapproprié, Amir, par exemple? Ouais, bah avant je travaillais dans un camping. Ouais. Quand j'étais ado, je travaillais dans un camping et y a un mec, c'était un client qui était venu avec ses enfants et il m'a glissé un client gay et il m'a glissé un billet de 5 euros. Avec son numéro dessus ? Ouais. Mais non. Enfin, un numéro, c'était un papier à côté quoi. Alors ? Tu l'as pécho ? 5 euros, c'est pas assez quand même. Ah ouais. Mais ça, c'est pas inapproprié. Le mec, non. Il a tenté sa chance, voilà, c'est il normal. Il a pas tenté sa chance. On a bien parlé. Et moi, je pensais qu'il était hétéro, déjà de base, parce qu'il était venu avec ses enfants. Mais bon, au final, rien à voir. Ouais. Et il m'a serré la main. Et dans sa main, en fait, j'ai senti qu'il y avait un papier. Ouais, je vois. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il voulait me glisser un mot, genre merci pour mes enfants, etc. Bah oui, genre, ouais, c'est ce qu'on fait tous. Mais non, mais bon, voilà, on sait jamais. Et au final, j'ai vu, il y avait le numéro de son mobilo, mais avec son numéro de portable. Et puis, un petit billet de 5 euros. D'accord. Par contre, c'est chelou le billet. Ouais, j'ai pas compris, mais surtout, 5 euros quand même. Ouais. Respecte-moi. C'est vrai, 5 euros. Marine, on est d'accord, Amir, il mérite mieux que 5 euros, non ? Bah, largement, oui. Ouais, wow, t'es adorable, toi. Thibaut à l'arrêt, est-ce que tu t'es déjà fait draguer comme ça par quelqu'un de spécial ? Ouais, moi, c'est la tante de mon ex, genre elle m'a dragué. Attends, la tante de ton ex-copine. C'est-à-dire que je sortais avec une nana, cette nana avait une tante, et je suis sorti. Enfin, non, je suis pas sorti, au restaurant en tout cas. Et genre, resto à base de bougies, machin et tout, c'était super gênant. Moi, je pensais qu'on allait manger, genre, juste pour se rencontrer, enfin, genre, truc cool, quoi. Et à base de drague et tout, c'était super. Mais elle te disait quoi, genre tu me plais et tout? Ouais, genre. Attends, t'étais en tête à tête avec la tante? Ouais, c'est ça. Mais qui va? Mais oui. Mais non, mais attends, moi j'ai un mec demain, son oncle me dit viens bouffer avec moi, j'y vais pas. Hein. Mais elle était comment la tante? Elle était mignonne. En fait, elle avait juste genre 50 plus que moi, genre pas beaucoup. Non, mais pourquoi t'y allais? Parce que moi je me suis dit genre je vais faire bien pour la famille, ça fait genre je suis investi, ça me dérange pas de rencontrer les gens de la famille et tout ça. Mais c'était super angoissant. Thibaut, il est comme ça, il est tellement gentil que. Thibaut. Entre nous, la tante, elle était mieux que ta copine ou pas? Ouais, bah oui. Ouais, franchement, elle était plus mec, formée. Mec, t'aurais genre. Dû y aller. Elle était plus formée. Oh, truc horrible. Oh, mec. D'accord. Bon, visiblement, Marine, t'es pas la seule à être tombée sur des gens bizarres, mais toi, ça reste quand même un peu malsain. Il faut quand même que t'aies une discussion avec lui, t'as pas le choix. Hein. Ouais. Ok. Mais comment aborder même la discussion, quoi? Je sais pas, c'est... Écoute, à la prochaine fois qu'il tente un truc. On a du monde au standard, peut-être qu'on a des conseils pour toi, qui sait. Ouais, il y a Julien à Chatou, Chatou. Bonsoir, bonsoir Julien. Bonsoir toute l'équipe. Ça va Juju? Ça va et vous? Ouais, très bien mon pote. Raconte, est-ce que toi tu t'es fait draguer par quelqu'un d'inapproprié? Alors moi non, en fait j'ai un ami qui était beau-père, une femme qui avait une fille de 4 ans. Et elle avait à peu près plus de 40 ans, elle. Ouais. Et donc, il avait dans ces eaux-là 33-34 ans à l'époque. Ouais. Et il s'est rapproché de sa belle-fille, il a été le confident, etc. Il a fait des soirées avec elle jusqu'au jour où ils ont couché ensemble, en fait. Donc le beau-père avec la belle-fille. Exactement, ouais. Mon pote, il a couché avec sa belle-fille, ouais. Oh là. Ouais, mais ils ont été confidents, etc. Ils se sont rapprochés, il a fait des soirées avec elle. Enfin, il n'y avait rien de mal peint là-dedans. Hein. T'es sur oreillette, mon pote, non? Alors, il est sur écoute, le mec. Ouais. Peut-être qu'il est dans un autre pays. Il faut que t'enlèves non, tout non, ce qui. Non, du est... tout. Ah bon, bah tu captes mal. Et du coup, alors, comment ça s'est fini? Est-ce que la mère l'a su ou pas? Alors, la mère, elle l'a su parce que lui, il lui a dit. Mmh. Et ils se sont quittés, et après, en fait, il est sorti avec sa belle-fille. Il est sorti avec, et ça a duré un petit moment, et ils étaient heureux ensemble. Ouais, d'accord, mais bon, du coup, la mère et la fille, il n'y a plus de relation, enfin, c'est quand même malsain, quoi. Ouais, c'est chelou. Moi, j'ai pas envie de conseiller ça à Marine, il faut qu'elle préserve sa maman et qu'elle évite tout ça. Non, mais en même temps, Julien, t'as raison de nous avoir rappelé, hein. Ça démontre que même quand on est sur une autre planète, on peut vivre ce genre de truc. Ils ont vécu un moment heureux, quoi. Ouais, bah écoute, si ils sont heureux, nous, on demande que ça. Les gens soient heureux, tu sais, Julien. Ok, hein, ça marche. Allez, Julien, déménage. On part de Château ou capte pas Château. Bisous, Julien. Au revoir. Bisous. Il y a Seb aussi. Alors, Seb, il nous a appelé. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec sa belle-mère. Oh non, non. Seb. Bonsoir, Seb. Bonsoir, les filles. Bonsoir à tous. Ça va, Seb? Ça va, et vous? Ouais, très bien, mon pote. Raconte-nous, c'est quoi l'histoire? Bah, moi, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, mon père, il s'était trouvé une femme, quoi. Et en fait. Comment expliquer, c'est un peu chaud à dire là, comme ça. Bah, elle me jetait des regards un peu coquins et tout. Mm-hmm. Et après le jour de l'an de l'année dernière, du coup, ouais. Mais bah, t'es bourré, mon pote, ou quoi? De quoi? Non, vas-y, je t'écoute. Après le jour de l'an de l'année dernière, elle était un peu déchirée, donc j'en ai profité, j'étais un peu. J'en avais un peu un coup dans la gueule aussi et. On a couché ensemble, quoi. D'accord. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, c'était juste une fois ou... Non, non, ouais, c'était une fois, parce qu'après, je sais pas comment, mais mon père, il l'a su. Donc, du coup, il a tout mis sur le dos à mon ex-belle-mère, quoi. Mm-hmm. Et moi, j'étais un peu son protégé, machin et tout. Donc, il essayait de... Enfin, je pense que consciemment, il voulait pas que je l'ai fait, quoi. D'accord, donc finalement ça s'est bien passé. Eh oui. Ok. Et donc ben... attends, ça veut dire que toi t'as eu le beurre, l'argent du beurre, et que tout s'est bien passé. T'as réussi à coucher avec la meuf de ton père et même ton père t'a rien dit. Si. Après, après, moi j'ai pas trouvé ça juste par rapport à elle, tu vois. J'étais un peu bourré de remords, tu vois. Donc je suis allé parler à mon père, je lui ai fait ouais, allié pour rien. C'est moi qui a tout à voir dans l'histoire. Mm. Elle était juste un peu bourrée. J'ai profité de la situation. D'accord. Donc c'est parti en clash. C'est un peu venu aux mains, quoi. Et bah depuis ce temps-là, il y a plus de discussion. Il y a plus rien. Oh tout, merde, Seb. Toute ma famille du côté de mon père, quoi. Bah ils ont tiré un trait sur moi. Ouais. Ah mais ça c'est le risque, poteau. Hein. T'as fait une énorme connerie. J'espère que t'en as conscience. Bah ouais, je sais. Je suis... Mm. Seb, il faut absolument que tu essayes de reparler, t'excuser et leur dire que la vie est trop courte et que parfois on fait des erreurs et tout, quoi. Ok? Ouais, Seb. En plus, ouais, j'étais dans une période un peu, tu vois, j'avais... Ouais. Bah ouais, j'étais un peu de dépression, machin, suicide et tout, puis... Ah non, alors non, mon non. Seb, non. Là, c'est non, la fin non, de l'été. Non, c'est passé. Je voulais dire, quand j'ai couché avec ma belle-mère, j'étais un peu dans une période où j'avais pas toute ma tête, tu vois. Ah, donc tu regrettes aujourd'hui? Voilà, bah oui, totalement, parce que résultat des courses, il y a toute ma famille qui me fait la gueule, mon père aussi, voilà. D'accord, ok, mon pote. Eh ben écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous, Seb. On espère vraiment de tout cœur que ça va s'arranger avec la famille. Fais tout pour, ok? Ouais, je vais essayer, de toute façon, il n'y a pas le choix. Si t'as besoin de nous, on est là, mon pote, d'accord, Seb? Ok, d'accord, bah merci beaucoup. On t'embrasse très très fort, bisous. Merci, je vous écoute, ça me fait plaisir et tout. Mais on est là pour ça, poteau, on est une grande famille, une grande bande de potes, puis c'est tout. On t'embrasse, mon Seb. Il y a Laetitia aussi qui est du côté de Juan-les-Pins qui nous a appelé. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, les filles. Bonsoir à toute l'équipe. Ça va, chérie? Oui, ça va. Alors, raconte-nous, est-ce que toi, tu as dragué ou tu t'es fait draguer par quelqu'un de spécial? Je me suis fait draguer par le petit ami de ma mère. Ah, toi aussi. mais en fait, c'est pas possible, ça arrive tout le temps. Oui, c'est des salauds. Mais pourquoi? Dans quelles conditions? Bah, ils ont la mère en plus jeune, quoi. C'est horrible. Vas-y, raconte-nous. Ça a commencé un peu comme Marine. C'était des petits enfin qui seraient passés crème si c'est pas le reste. Donc il proposait à ma mère de m'accompagner chez des amis quand il y avait des soirées, de quand on sortait en boîte, il voulait être le chaperon, bon c'était mignon. Ouais. Excuse-moi. Et puis après, il m'envoie du texto. Oui, je viens de chercher chez ta copine. Ne bouge pas. Mais bon. du coup, vu que c'est un petit peu la même histoire que Marine et Laetitia, là, ce qu'on veut savoir, c'est comment t'as réussi à te sortir de là. Est-ce que comment t'as fait? Tu lui as dit clairement? Je l'ai dit à ma mère. Ah, donc toi, tu conseilles à Marine de le dire à sa mère alors? Bah après, faut qu'elle voie. Moi, je sais que du coup, ça s'est mal passé au début avec ma mère. Elle voulait pas me croire parce qu'elle était amoureuse. C'est normal. Donc, bon. Moi, ce que j'avais plus que Marine, c'est des SMS, des messages sur mon répondeur. Ouais. Où il disait qu'effectivement, il aimait bien me caresser, m'embrasser dans le cou, peut-être aller plus loin. Ah ouais, non, mais là. Donc forcément, j'avais un peu plus de preuves. Ouais. Mais du coup, après, elle a fini par voir la réalité en face et elle l'a quitté. Ok, t'as réussi. Ouais. Voilà. Donc toi, et on n'a plus jamais entendu du mail. Ouais, donc toi, tu conseilles vraiment à Marine d'aller voir sa mère et de jouer la franchise et. Peut-être dans un premier temps, oui, de parler avec son beau-père, ça se trouve, qu'il va être gentil. Mais d'après, oui, d'en parler à sa mère. Ok. Pour pas que ça aille trop loin comme notre ami Sébastien. De toute façon, c'est ce qu'on voulait faire aussi, ce qu'on voulait lui conseiller. Donc merci de nous avoir appelé, Laetitia, t'as géré toi. Bah, je vous en prie. T'es notre championne, Laetitia, on t'embrasse. Bonne soirée. Des poutous dans le sud, bisous. Bisous. Marine, chérie. Oui. Bon, et t'as vu déjà, première chose rassurante, t'es pas la seule dans ce cas-là. C'est vraiment, a priori, c'est assez courant, les beaux-pères qui draguent comme ça. Mais c'est un truc de fou, c'est que j'avais jamais entendu parler de ça, moi. Ah, moi aussi, mais quand même, je pensais que c'était plus exceptionnel que ça. Du coup, ne t'inquiète pas, tout va bien. Continue à être, comme tu fais, réglo, à surtout pas rentrer dans ses avances, tout ça. Et puis, parle à ta mère si jamais ça déborde, s'il va trop loin, quoi. Ok? D'accord. Allez, ça va le faire, ma chérie. Surtout, tu nous tiens au courant, Marine. Hein, on aime bien avoir de vos nouvelles. Oui, il n'y a pas de souci. On t'embrasse. Je suis au courant. Bonne soirée. Au revoir, les mecs. Gros bisous. Tu t'es jamais fait draguer, Marion, par le mec de ta mère. Par mon père, tu veux dire? Oui, c'est ça. Tu m'as pris pour Pépère, moi non plus. C'est ça. N'importe quoi. Pépère, tiens, justement, est-ce que tu as rencontré déjà. T'es déjà tombé sur une personne qu'il fallait pas qu'il te drague? Oui, t'as du mal, Anso, mais Pépère, lui, il s'est jamais dragué, tu sais bien. Mes mères, elles veulent Ken, je la baise. Hein. D'accord. Voilà. On va pas passer une heure, on va pas épiloguer. C'est un peu gratos, là, Pépère. Oui, on est d'accord. La vie, ce qui est gratos, c'est bien. D'accord, on fait ça. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pokélost qui débarque. Vous allez faire croire à papa ou maman que vous vous êtes perdu quelque part dans un coin paumé en jouant à Pokémon Go. Restez là, on revient juste après. Kungs, qu'est-ce qu'il est bon ce titre, dont you know sur Fun Radio. jusqu'à minuit, là, c'est Marion et Anso, le Night Show. Et j'étais obligée de vous parler d'une info sur laquelle je suis tombée tout à l'heure. Bon, vous voyez tous KFC, les fast-food, spécialisés dans le poulet. Oui. Voilà. Bon, ils ont sorti un nouveau truc pour cet été qui cartonne aux États-Unis. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ont sorti une crème solaire odeur poulet. Quoi ? Ça s'appelle le KFC Extra Crispy Sunscreen. Indice 30 quand même. On protège la peau, on protège des UV. Tout en sentant le poulet. Mais qui a envie de sentir le poulet pendant que tu bronzes? Je comprends pas l'intérêt. Poule pondeuse, poule pas sympathique. Le Poké Lost. Poké Lost. Sur Fun Radio. Le Poké Lost, c'est la nouveauté du Night Show. Une des nouveautés, parce qu'évidemment, il y en aura plein d'autres. Une multitude. Le principe est très simple. Vous faites croire à votre père ou à votre mère que vous êtes perdu. Ça peut aussi être à papy ou à mamie. Hein. Oui. On est preneur. Vous êtes perdu en train de chercher du Pokémon. Il faut absolument qu'il vienne vous récupérer. S'il dit OK, j'arrive, et ben c'est gagné. Vous repartez avec la PS4. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est pas mal avec le jeu No Man's Sky. Et figure-toi que les Inrock disent que c'est un jeu fascinant. Anecdote de merde. Je précise juste que si vous n'êtes pas un adepte de Pokémon Go, vous pouvez jouer quand même. Hein. Exactement. Après, c'est vrai que c'est mieux avec le vocabulaire. C'est oui, plus simple. Ça va, ratata, tout le monde connaît. Hein. Voilà, c'est ça. De toute façon, Marion, tu lui demandes Pokémon Go, elle te dit ratata tout le temps. C'est Hugo qui joue avec nous ce soir. Bonsoir, Hugo. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ça va, Hugo? Salut les filles, salut toute l'équipe. T'habites où, mon pote? J'habite à Oyonnax. Ah, Oyena, c'est où? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est dans l'Ain, côté Lyon. D'accord, il doit pas y avoir beaucoup de Pokémon là-bas. Ça va. Il y en a quand même pas mal. Il y en a partout des Pokémon. T'as quel âge, Hugo? Non, moi j'ai 16 ans. T'as 16 ans, d'accord. Bon, toujours en vacances, tout va bien? Ouais, tout va bien. Bientôt la reprise, voilà. Tranquille. Et la petite PS4, elle ferait plaisir là, on est d'accord? Ouais, franchement, elle me ferait vachement plaisir. Bon, alors Hugo, on appelle qui? On veut piéger qui ce soir? Papa, maman, frère, sœur, copine, copain? Alors, j'aimerais qu'on piège ma mère. Très bien. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Stéphanie. Stéphanie, elle est sympa? Elle est du genre nerveuse? Comment ça se passe? Ouais, elle est plutôt... Plutôt nerveuse. Un petit peu nerveuse. Bon, okay. Est-ce que t'as prévu 2-3 mots de vocabulaire, un petit scénario, tout ça? Ouais, un petit ratata, un petit soporifique, ça peut passer. Parfait, ça marche. Allez, on appelle maman. On appelle Stéphanie. Marrant, hein, parce que moi qui joue pas vraiment à Pokémon Go, mais je m'y mets quand même. Ouais. Je vais vraiment retenir que ratata. Hein. Et Pikachu. Oui, forcément. Pika. Allô? Allô, maman? Oui. Ouais, si vous... ça va? Oui, bah si, ça va, oui. T'es toujours au boulot? Bah oui, je suis au boulot, oui. J'ai un truc à te demander, si tu veux. Ah bah tu peux pas attendre tout à l'heure. Bah non, je vais te demander maintenant, ça peut pas attendre. Non mais je suis fou de moi. Bon, si tu veux, tu vois, j'étais allé chez mon pote, Anthony, tout à l'heure. Et en fait, on voulait aller, tu vois, chercher des Pokémon et tout, parce que, tu vois, tout le monde a des Pokémon avec sa sœur et lui. Ben oui, ouais, mais... ouais, ouais, c'est trop marrant. Et donc, du coup, on est parti du côté de Bourg pour aller en chercher, parce qu'ici, il n'y en a pas. Je suis au boulot, là. Donc, tes Pokémon, j'en ai un petit peu rien à faire. Mais laisse-moi finir. Et donc, du coup, on voulait faire l'aller-retour de Bourg à ici, mais rapidement. Et en fait, si tu veux, on s'est séparés à Bourg pour aller chercher des Pokémon. On a dit, on se sépare et tout, mais j'arrive plus. Mais vous allez comment à Bourg? Bah, c'est sa sœur qui nous emmène. Ah mais la classe aussi. Bah oui, on voulait aller chercher des gros Pokémon rares. Et donc du coup, on allait à Bourg et on s'est séparés. Et j'arrive pas à les retrouver. Et ils répondent pas au téléphone. Donc il faudrait que tu viennes me chercher en fait. Ah mais t'as mangé un clown ce matin. Mais moi, papa, il veut pas venir me chercher. Parce que tu crois que moi je suis au boulot, je vais arrêter mon boulot pour aller chercher mon fils de 16 ans et demi qui cherche des Pokémon à Bourg. Mais il y avait un ratata. Mais un ratata et ratatouille, je m'en tape. Mais je fais comment? Bah, t'attends, tu rappelles tes potes. Mais ils me répondent pas, ça tombe direct sur la messagerie. Ouais, bah tu persistes, mon petit. Mais s'il te plaît! Non, mais s'il te plaît quoi? Bah viens me chercher. Bah, non, mais bien sûr, déjà d'une, tu me parles autrement, je viens pas te chercher. Bah je fais quoi? Je dors là-bas? Ah voilà, ouais. Tu sais, c'est une bonne idée, oui, tu dors là-bas. Voilà, et papa, il veut pas venir me chercher, moi je dors là-bas. C'est ça, tu veux pas venir me chercher? Puis moi je suis au boulot alors je vais laisser mon boulot là, bah oui. Pour venir t'acheter. Oui. Ben oui, ouais. Oui. Non, je vais en parler à mon patron. Mon ado cherche des Pokémon, il est bloqué à Bourg, je vais aller le chercher. Bah, il va rigoler quand même. Si tu lui dis qu'il y avait ratata, je pense qu'il comprendra. Mais oui, il va vachement comprendre, autant que moi je pense. Bah s'il te plaît. Et je fais non, comment bah, moi, je rentre à pied. Et Hugo, sans déconner. C'est que je te dis quoi, là? C'est perdu. Merci. Ah ouais, alors là, Hugo, on est sur une maman pas du tout décidée à venir te récupérer. Hein. Ouais. Ouais. C'est quoi la blague? Stéphanie, bonsoir, c'est Marion et Anso. Vous êtes sur Fun Radio. Voilà. Okay. Elle nous connaît, maman, a priori. Ouais. Oui. Ah bah oui, j'entends parler de vous tous les jours ou presque. Alors, Stéphanie, comme vous l'aurez compris, c'était un jeu, c'était un piège. En fait, il devait vous faire croire qu'il s'était perdu en chassant du Pokémon. Et l'idée, c'était que vous soyez une maman sympa et responsable. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, Stéphanie, on va tout de suite vous mettre en liaison avec la DAS. Hein, il n'y a pas de problème. Elle est au boulot en même temps, la pauvre. Ouais, bah oui, je suis au boulot. Puis en même temps, j'aurais pas laissé mon fils tout seul à 50 km de chez moi. Il le sait très bien. Ah, peut-être qu'avec un peu plus de temps, vous seriez venu. Ah bah non, mais je serais venue, c'est sûr. Il a fait 50 km, hein, Bourg-en-Bresse. Ah, non, je l'aurais pas laissé sur place, ça c'est clair. Bon, cela dit, les règles, il fallait qu'elle dise ok, j'arrive, je viens, ouais, et qu'elle soit paniquée. Donc pour moi, c'est perdu, Hugo. Bah, moi aussi. Ah, Hugo. C'est moche. Je suis désolée, mon pote, hein, mais là, c'est compliqué. D'accord. Hugo, est-ce que tu en veux à ta maman? Bah d'habitude elle s'énerve beaucoup plus vite, donc ouais, je suis un peu. Mais oui, mais je suis au boulot en même temps, je peux pas crier, il y a plein de monde autour de moi. Bah, en tout cas, ça vous dérange pas de rester en ligne avec nous, hein, Steph, hein, visiblement. Ouais. Bah, ouais, maintenant que j'y suis, voilà, oui, mais j'arrive à décrocher pour mon fils quand il m'appelle. Ah, c'est gentil. Bon, et tu sais quoi, Hugo, on va t'envoyer un pack fun quand même, et tu pourras rejouer, il n'y a pas de souci, un autre jeu quand tu veux, ok? Bah merci, c'est cool. Stéphanie, on vous rappelle pour vous déranger, on parle de cul dans un instant. On vous embrasse. Hugo, on t'embrasse, bisous. Merci. Bisous. Dans quelques minutes sur Fun Radio, il va être temps de parler cul avec Anso, avec toute l'équipe et avec vous tous, puisqu'on a fait une découverte un peu spéciale. À New York et partout dans le monde, ça se développe. Il existe maintenant des cabines pour se masturber dans la rue à l'abri des regards. Ouais, c'est quand même très bizarre. C'est un truc de malade, donc déjà on avait envie d'avoir votre avis là-dessus et surtout de vous poser cette question. Quel est l'endroit le plus bizarre dans lequel vous vous êtes masturbé? Ouais, parce qu'on est des grosses vicieuses. Voilà. 01 42 48 5000, on en parle juste après cette bombe Fun Radio. J'adore ce mec, c'est Jonas Blue. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. We'll On parle sexe sur Fun Radio tous ensemble avec Anso et l'équipe parce qu'on a l'info qui va intéresser tout le monde. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est sorti il y a quelques temps, mais là ça refait surface parce qu'il y a d'autres villes qui vont l'adopter, notamment Londres, j'ai vu. Oui. En fait, c'est une cabine qui a été inventée à New York où vous pouvez vous masturber en pleine rue à l'abri des regards. Donc, non. Je vous fais le topo. Une petite envie comme ça soudaine de vous masturber, une fille qui vous excite dans la rue, quelque chose, bim, vous allez dans la cabine. C'est peut-être malsain ça. Ouais. Et là, vous pouvez vous masturber tranquillement, personne ne peut vous voir. Mais qui l'avait lancé ça? C'est pas un magazine ou un truc comme ça? Je sais je plus. Je crois qu'à la base, c'était une campagne de com pour une marque. Et puis bah, du coup, c'est resté. Moi, je trouve que c'est bizarre, parce que ne serait-ce que de savoir que si je marche dans la rue, il y a la cabine et il y a quelqu'un dedans, ça m'angoisse. Ah oui. Bah, c'est-à-dire que quand tu passes devant une cabine téléphonique, tu sais que la personne téléphone. Oui. Est-ce que c'est marqué... C'est marqué quoi d'abord dessus? Il y a rien marqué. Ah si, je crois qu'il y a le nom dessus. Retrouve l'info, elle est sur il y a la photo et tout. Je crois que c'est écrit, mais par contre c'est complètement noir. C'est-à-dire que tu peux même pas voir un visage, quoi. Ah bon, c'est nul. Bah, non, ma meuf, va en club échangiste. Et vous savez quoi? On va vous partager l'info là sur notre page Facebook Marion et Anso le Night Show. Et du coup, ni une ni deux avec Marion, ça nous a fait penser à un truc. Pas folle, ça mouline dans le cerveau. Est-ce que vous vous êtes déjà masturbé dans des endroits comme ça improbables? Ouais, un peu insolite. Ailleurs que dans l'intimité de chez vous, et appelez-nous dès maintenant là 01 42 48 5000. Moi j'ai un truc, pas de moi en tout cas, mais moi j'ai un truc. Comme par hasard, l'ami d'une amie. On la connaît celle-là. C'est tout à fait ça, l'ami entre guillemets. Allez, bougez pas, on revient tout de suite. Accrochez-vous, Bruno dans la radio. Salut, c'est Bruno. Je reviens le 29 août avec toute l'équipe de Bruno dans la radio sur Fun Radio. Bon, j'ai enlevé les plus nuls. On fait l'appel? Christina présente. Karina, Mika et Anto du JPI présent. Rachet présent, frère. Meryl, Nicolas du web, on est là. Fonf, je suis là aussi. Salut, c'est Louzman. Elliot, et ouais, je suis là. Bon, bah tout le monde est resté visiblement. Bruno dans la radio revient pour une nouvelle saison. Encore plus dingue. Ça y est, je suis prêt. Rendez-vous lundi matin dès 6h sur Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. But I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. You give me. treat you like I could. Stop your searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Night Show. Marion et Anso sont de retour pour la saison 2 du Night Show sur Fun Radio. On est de retour avec des infos plutôt sympas comme cette cabine qui a ouvert à New York et un peu partout dans le monde qui vous permet de vous masturber en pleine rue à l'abri des regards. Du coup, appelez-nous la 01 42 48 5000. Déjà, dites-nous si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Et surtout, dites-nous l'endroit le plus ouf où vous êtes masturbé. Figure-toi que j'ai retrouvé l'info, Marion. Oui, Anso. Et donc, c'est un coup de com' effectivement de la marque Octopus. Oui. Et donc, sur les cabines à masturber, en fait, c'est comme des anciennes cabines téléphoniques, c'est marqué phone au-dessus. Ouais. Et sur le côté, c'est marqué Gaïfi. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas spécialement une cabine Gaïfi. Maintenant, tout le monde sait que c'est pour se masturber, mais ce n'est pas vraiment explicite, quoi. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas un bonhomme avec en un. En même temps, à part pour téléphoner, ça ne peut pas servir à grand-chose d'autre, une cabine fermée. Donc, les gens doivent comprendre, je pense. Oui, effectivement. Ouais. Et on passe rarement des coups de fil dans mais le noir. Je ne vais pas faire ma prude et tout, parce que vous le savez, je ne le suis pas. Mais quand même, tu passes avec tes gosses et tout, tu sais qu'il y a un mec qui est en train de se toucher, c'est un peu gênant quand même. Ouais, et surtout que, vu la tête de la cabine, ça me paraît quand même étrange. Hein. Bah si, tu t'as pas besoin d'une grosse cabine, Anso. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, le dos est quand même sur l'extérieur, donc je sais pas. Bon, bah, tout cas, j'ai vu qu'à Londres, il allait en ouvrir une. Bon, bah écoutez, bravo Londres, et vive Paris, si vous pouvez faire ça à Paris aussi. Et raconte-nous, toi, tu nous as dit que t'avais alors une amie qui, soi-disant, aurait fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Alors non, c'est pas ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que cet été, j'ai déjà vu un mec quand j'étais à LA, j'avais l'impression qu'il était en train de se masturber sur la plage. Oui. Mais peut-être que c'était... Non, mais attends. Peut-être pas ça. C'était un pote à toi? Non, c'était pas un pote à moi, j'étais avec mes potes. Ouais. Et au loin, je voyais... Enfin, mon pote m'a dit, regarde, on dirait qu'il est en train de se masturber. Alors c'est tout à fait possible. Les plages sont extrêmement vastes, donc c'est tout à fait possible qu'il ait pu faire ça. Ouais. Regarde, moi j'ai bien fait du topless. Alors, t'es en train de m'enfumer parce que tu m'as vendu avant une histoire sur une amie à toi qui, soi-disant, se touchait partout, je sais pas. Voilà, alors, finalement, cette amie est en train d'écouter la radio. Ah, mais on peut pas raconter l'anecdote. Voilà, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Bon, ben, on l'embrasse. Voilà, il y a Julie, en tout cas, de Paris, qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Lucie. Ça va, Julie? Ça va, super. Écoute, je suis sûre que t'as très envie d'entendre l'anecdote de l'amie d'Anso. Oui. Bon, a priori, on pourra pas parce que c'est vraiment chaud. Elle reçoit des textos dans tous les sens. Dis-nous, toi, tu t'es masturbée où? Eh bien, en fait, ça s'est passé dans un grand parc d'attractions, dans une tour qui fait très peur, dans la file d'attente d'une tour qui fait très peur. Et il y avait pas mal de monde. Il y avait au moins 90 minutes d'attente. Et du coup, j'étais avec mon copain et discrètement, on s'est touchés l'un l'autre. Mais non. Non, mais ça c'est pareil, le parc d'attractions c'est les enfants, tout ça quoi. Ouais. Oui, mais bon, on a fait attention qu'il n'y avait pas d'enfants autour, on était quand même assez discrets, donc on a fait style, on se faisait un câlin et puis on en a profité quoi. Ouais. Rassure-nous, c'était pas dans le monde des poupées? Non, c'était pas dans le monde des poupées. Non, mais par contre, c'était très excitant de justement qu'il y ait du monde autour et de pas faire de bruit surtout. Ouais, mais on est d'accord que tu touchais ton mec à travers le pantalon, t'avais pas la main dedans quoi. Bah si. Ah ouais. Non, sinon c'est pas drôle. Ah ouais, je crois que moi j'oserais pas. Il n'y a pas ce petit piquant du attention, faut pas qu'on se fasse prendre quoi. Bah moi je trouve que c'est assez flac quand même. T'as deux personnes qui ont chacun la main de l'autre dans le pantalon, enfin je sais pas. C'est un peu bizarre. Franchement c'était discret. On s'était mis dans un petit coin, j'étais assis sur la rambarde, on se faisait un câlin et voilà quoi. Ok. Est-ce que comme c'était Julie, discret. T'as déjà touché ton mec comme ça dans des lieux publics, Marion? Dans des lieux publics, non, peut-être au cinéma, oui. Ah oui, bon, mais bon, cinéma, ça, c'est la monde. Classique. Par contre, moi, j'ai déjà vu quelqu'un se masturber dans le métro. Oh. Ah ouais. Alors ça m'avait choqué. Mais tu sais, il faisait vraiment la main dans le pantalon. Oh. Il avait évidemment pas sorti le business, mais on voyait le mouvement. Ouais. C'était tard le soir, il y avait pas grand monde et sincèrement, j'ai eu peur. J'aurais mis un chassé dans sa tête à lui. Ouais, mais t'oses pas, t'étais une nana et tout. Moi, j'ai flippé, je voulais changer de wagon, mais tu sais, ça te paraît très long entre deux arrêts là et franchement, dégueulasse. Cela dit, le métro, ça doit être propice à ça. Moi, j'ai un pote qui était tombé sur une nana qui se mettait des doigts quoi. Des doigts dans le métro. Des doigts dans le métro. Par contre, ça, c'est vraiment pas excitant. Ah, c'est horrible. Alors, franchement, voir une meuf dans le métro en train de se toucher, ça s'inspire pas confiance. Mais un mec tout, pareil, hein, globalement. Bon, tu sais, voir une nana se mettre des doigts dans une boulangerie, ça va pas être excitant. Ouais, mais je suis d'accord qu'il peut y avoir des situations et des endroits où ça peut être excitant. Ta nana, elle se met des doigts justement au cinéma à côté de toi, ou là, ça peut passer. C'est ça. Bah, à partir du moment où c'est ta nana, ça va, ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans le métro, même ta meuf, t'as pas envie de la voir. Non, clairement pas. C'est ça. Non. Bah, Julie, moi, j'ai envie de dire que c'est une jolie perf. Si vous êtes pas fait griller, que vous avez pris du plaisir, je trouve que c'est risqué. Ouais. Mais c'est plutôt mignon. Bravo. Bah, franchement, c'était kiffant. Bon. Et ben, on te félicite. Bisous, petite perverse. Salut, Julie. Salut. Il y a Ludo aussi qui est en Corse. Oh, accent Corse, Marion. Oh, Doumé. Non, il s'appelle Ludo. Ah oui. Ludo. Oh, Ludo. Ça va, poteau. Oh, salut les filles, ça va? Ça va, la Corse? Vous m'avez presque manqué. Mais toi, tu sais que ça me manque tellement, j'ai kiffé mes vacances chez toi. La Corse, ça me manque aussi, c'est un beau pays. T'es venu quand? Je suis venu fin juillet, vers Porto Vecchio. Okay. Ah, Porto Vecchio, il fallait venir à Calvi Calvi on the Rock. J'aimerais bien. Prochaine fois, je ferai Calvi si mon compte en banque me le permet. Ah, voilà. Raconte-nous, Ludo, où est-ce que tu t'es masturbé, toi? L'endroit le plus ouf. Avec Madame Robert, j'étais dans un cours d'anglais, j'étais au fond de classe. Et je me suis touché là-bas. Ah ouais, pendant le cours. Ah mais l'anglais je comprends rien. J'étais au fond avec un collègue, on se touchait comme ça. Voilà, pendant le cours. Moi je comprenais rien aux maths et je me touchais pas quand même, hein, Ludo. Hein. Ouais, mais on avait que ça à faire. Il y avait des belles filles dans la salle. Non mais d'accord. Vous êtes pas fait griller, y a rien eu. Non, rien. On s'est mis au fond, on a mis les sacs. En fait, on avait les sacs entre notre sexe et la table et on se touchait. Mais mec, c'est pas possible. Mais vous étiez combien? Ah, on était deux. Et les tables, elles sont que deux. D'accord. Et donc, vous vous touchez comme ça, côte à côte entre mecs? Ouais, côte à totisme. D'accord. Bah, mais peut-être qu'il avait plus de Tipex, tout simplement. Pardon. C'est le dos du sac qu'elle a pris. Oh, Ludo. Non, là, tu vas trop loin, mon pote. Racontez-nous, mais pas jusqu'au bout, quoi. Bon, pardon. En même temps, je pense que c'est pas le seul à avoir fait ça. Bon, non, on était deux déjà. Ouais, mais bon, je pense qu'il y en a plein qui, voilà, en classe, vite fait, c'est un peu excitant. Tu te découvres, t'es jeune. Bah, si, Enzo. Bah, attends, alors, Thibaut, tu l'as fait à l'arrière? Non, mais moi, j'ai un pote, c'était super. Enfin, ce con, il s'est fait gauler en. Tout au fond de la classe, c'était sa place de branlette. En gros, il se mettait là en cours de maths. Mais bon, je vais me branler, je vous laisse. Mais non. Bah, si, il se mettait tout au fond de la classe. Il éjaculait pas. Je sais pas, mais j'ai pas regardé. Bah, j'étais mec, pas là. T'en es où? Ludo, de Corse, si, il l'a fait sur son sac. Ah, sur le sac, oui. Mais c'est crade même ton sac. Bah, après, je mettais pas dans le dos. Ouais, bah, même. Ah bah ça va alors. Okay. Ça passe. Bon bah Ludo, en tout cas, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Merci, tu m'as fait ma soirée. D'accord, bah, c'est pas un problème, merci à vous. On t'embrasse et quand on viendra te voir, sois calme. Hein. D'accord, pas de soucis. Bisous Ludo. Salut la Corse. Salut. Il y a Loïc aussi à Orléans qui est avec nous. Tiens. Salut Loïc. Salut les filles, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison les filles. Ah, merci Loïc. T'as 21 ans toi? Ouais, tout à fait. Alors dis-nous tout, est-ce que tu t'es masturbé dans un endroit un petit peu insolite? Dans un endroit un petit peu peuplé, dans le bus scolaire pour aller à la piscine quand j'étais encore à l'école. Excusez-moi, mais quand on est à l'école, on est un peu teubé, non? Et surtout, on est chaud, quoi. Moi, je sais pas, à l'époque, j'étais pas si chaude. Hein. Bah, moi non plus, mais c'est peut-être moi. Ouais, mais c'est les mecs qui sont chauds avant les meufs, je pense. Ouais, je crois que sur le plaisir solitaire, nous, ça vient un peu plus tard. Ouais. Ah, c'est possible, ouais. Et du coup, personne t'a cramé dans le bus? Bah, en fait, je l'ai fait dans le bus pour éviter d'avoir la gueule, quoi, au moment d'aller à la piscine, quoi. Ça aurait été un peu gênant, quoi. Ah. Parce que bon, quand tu vois une fille qui te plaît quand t'es jeune, ben voilà, quoi. D'accord, et du coup personne t'a vu? Non, j'ai fait ça discrètement dans le fond du bus, un petit mouchoir, voilà, et c'est passé quoi. Fort, quoi. Le mec est allé jusqu'au bout, non mais sans déconner. Ah mais du coup à la piscine t'étais tranquille, pas d'érection? Voilà, tout à fait. Et ben voilà, ça c'est quelqu'un qui se connaît bien. Il est là, mon Loïc. Est-ce que ça vous est arrivé les garçons dans l'équipe d'avoir une érection pendant les cours de piscine, tout ça? Ouais. Racontez. Ouais. Amir. Bah en fait c'est souvent quand je voyais une meuf mais en fait juste en maillot moi ça m'excitait. Ouais, bah oui, comme tout le monde mais. Non mais il y a vraiment genre je la voyais en maillot ça y est bim j'étais excité. Ouais bah j'ai pas compris. Il y avait la date. Et toi Thibaut? Ouais pareil bah moi ça m'est arrivé mais genre en plus tu sais quand t'es au collège et tout t'as vraiment les slips de bain tu vois. Ouais. Donc ça se voit beaucoup et moi j'ai la gueule facile donc. Ça on le savait pas. Oui Enzo. Bah moi c'était pas à la piscine que je bandais mais c'était au vestiaire quand je voyais mes potes. Bah c'est possible. Ouais, hein. En plus elle était plus grande que la mienne. C'est con. Bon bah Loïc finalement tu n'es pas le seul à avoir la réaction facile. Voilà je ne suis pas le seul. Bon, ça me rassure. Ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Bon, ben merci de nous avoir appelé, Loïc. On t'embrasse. Merci à vous, les filles. Salut. Bisous. Est-ce qu'on demande à Pépère, parce que je ne l'ai pas assez entendu ce soir, bah ouais s'il s'est masturbé dans un endroit chelou. Pépère, dis-nous. Bah oui, Pépère, lui, de toute façon, il se branle 24 heures sur 24 chrono. Ah, bah ça, c'est impossible, Pépère. Bah, tu crois qu'il fait quoi en ce moment, là? Les sourcils d'Amir. Bon les gars, c'était encore un kiff de passer avec vous ce soir. On vous retrouvera bien sûr demain en direct à partir de 22h et vous pouvez continuer à réagir avec nous sur les réseaux sociaux. Hashtag le Night Show, on répond à tous vos messages. En tout cas, on essaye et on les lit tous. Oui, allez voir aussi nos vidéos là sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Est-ce que la vidéo du Pourquoi tu m'appelles est en ligne? Celui où je tourne. Alors, je regarde à droite, je regarde à gauche. Elle sera en ligne ce soir. D'accord, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Et puis bah, le gaming aussi, ça arrive. On reprend quand ça, Amir? Le 14 septembre. 14 septembre, première opération gaming? Première opération gaming. Bah donc, inscrivez-vous. On sait déjà avec qui? Bah oui. On peut le dire. Attends, parce que même nous, on sait pas, donc on n'a pas validé. Attends, il nous fait des signes. Vas-y, dis. Ouais, c'est... Bah si, tout le monde le sait. Attention, mais c'est gênant, c'est qu'on est en direct là. C'est un chanteur. Ah ouais, non, bah on va pas l'annoncer tout de suite, non. Parce que moi, j'ai pas validé ce dos. Bon, bah restez là en tout cas demain. On vous annoncera tout ça demain. On sera en direct demain soir à partir de 22h sur Fun Radio. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Party Fun. Et puis, bah, on se quitte en chanson comme d'habitude. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Tout cet été, Fun Radio a booké pour vous tous les soirs les meilleurs DJ Dance Electro. Dance Electro. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Party Fun. Ce soir, à 1h, Backer Matt. Et à minuit, Lucas and Steve, qui prend les commandes de Fun Radio. Perfect time, we can

and Steve. Mix. Mix. Dans Party Fun. Party Fun. Sur Fun Radio. Fun, l'émission dance préférée des plus grands DJ de la planète sur Fun Radio. Come on, come on, make some noise for yourselves.